clore aujourd'hui à Assemblage Requis. Thierry Bonneau des journaux nous attend en débattant de sujets chauds dans Gauche à Bévue. Et Dominique Nembavungu fera le tour de l'Afrique une dernière fois dans Voile Afrique. Plus que trois émissions, Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 24 avril 2018. On est à trois jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin a congé encore aujourd'hui. Pour la remplacer, on a Sébastien Guertin, notre chroniqueur émérite de la chronique Bulletin Guertin et animateur de la regrettée émission La sortie de secours est à votre gauche. Salut Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va très bien, merci. De rien. Génial. Aujourd'hui à l'émission, Sébastien, non seulement le soleil est là, mais en plus, on a plein de chroniqueurs pour faire changement par rapport à hier où on avait personne. Aujourd'hui, on va avoir toi, évidemment, avec ton bulletin Guertin qui s'en vient tantôt. Tu nous prépares une petite chronique avec pas de casque, donc moins préparé que d'habitude. Ben finalement, pendant la pause, plutôt, j'ai eu le temps de préparer quand même de quoi, parce que là, vu que je fais l'émission avec toi au complet, j'ai décidé de m'installer un peu plus. Ben fait que j'ai mon ordi, puis tout. Fait que non, je vais avoir une chronique pas si pire casquée finalement. Ah, ben génial ça sent bien. De toute façon, je vais pouvoir googler des trucs à mesure, puis ça paraîtra pas. Je vais être vraiment d'habitude. Ben fait ouais. Que je vais avoir l'air préparé. On est fait fort. 7h30 pour le bulletin Guertin. Ensuite de ça, à 8h30, Dominique Nembavungu pour Voix d'Afrique. On va faire le tour une dernière fois de tout ce qui se passe sur le continent africain dans tous les domaines. Littéralement, il en manque pas un d'habitude. Alors ça, c'était à 8h30. Ensuite, à 9h, Jimmy Thibodeau, ton allié de la gauche, mais ouais. Avec lequel t'aimes bien quand même avoir une avis contraire. Le gars avec qui je suis le plus... Dans le monde avec qui je suis d'accord, c'est lui avec qui je suis le moins d'accord. C'est exactement ça. Ça va faire des flemèches. C'est mon meilleur frenemy. J'ai bien hâte. À 9h tantôt. Et ensuite de ça, à 9h30 ou plus tard, dépendant de Jimmy Thibodeau parce qu'il va en retard puis il fait des longues chroniques des fois. Mais Julie Lefons va être avec nous à 9h30 pour sa chronique. Pas une chronique, en fait, une participation spéciale. Elle vient de la galerie R3 qui est juste à côté, à notre gauche. Elle va venir nous présenter une exposition qui s'en vient dans les prochains jours. Donc Julie Delefosse, c'est la deuxième fois qu'on la reçoit, donc c'est pour ça que j'avais en tête une chronique. C'est une participation récurrente. Deux fois n'est pas coutume. Exactement. C'est la stagiaire de la galerie d'art R3. Donc c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. En plus de vider l'arrière-boutique de gadgets inutiles dans 5 semaines, ça ne devrait pas être là. Hier, on a fait la même chose avec les instructions d'assemblage. Essayer de finir le stock que j'avais déjà, le meilleur du meilleur, best of the best. Donc ça existe dans quelques minutes, en fait. On va le faire un petit peu partout dans l'émission, au moment opportun, je dirais au début, au milieu et à la fin, entre les autres affaires. On verra bien, hein? J'ai des grandes idées comme ça. Ce sera interstitiel. Interstitiel. Ah, que c'est bien dit le vocabulaire, toi. Mais avant ça, on écoute les Marinelli. Avec un petit peu comme l'émission d'aujourd'hui va être remplie case par case, là, comme les jeux bien populaires que les gens jouent dans l'autobus en ce moment. Là, t'sais. Le 3, c'est du bleu pâle. C'est peinture à numéro par les Marinelli. T'sais. J'ai cessé d'avoir peur de perdre la face. Je me suis mis dans les taux de capture à la place. Isolé par la brosse de l'activant que j'avale. Moins toxique que la myopique, le mess fait plus mal. Dehors, en dedans, nulle part, on n'y voit plus trop. Thank you. Marinelli, la pièce peinture à numéro à Sébastien F. Gartin qui la trouve, qui trouve que le gars a une voix gossante un peu, c'est pas faux. Effectivement. Il a forcé à parler à chanter du nez, puis il a ça. C'est ça. Au moins, ils ont écrit une mélodie accrocheuse. Ouais, ça pogne dans la tête. C'est ça. Maintenant, on va s'acheter des gadgets ensemble. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Et on commence avec la peur qu'à peu près tout le monde a, Sébastien, c'est d'avoir... Attention, qu'est-ce que c'est, tu penses, à la pire peur des gens dans la vie? Avoir le sida. Devant les autres gens. Devant les autres gens, ça pourrait être aussi avec le... Ouais, le sida, OK. Mais non, c'est pas ça. Ce n'est pas un test pour le sida, c'est un test pour savoir si t'as mauvaise haleine. Ah! Ce qui est quand même plus simple à déterminer, j'imagine. Donc, évitez de gâcher la journée de quelqu'un, des fois peut-être vous-même avec la honte que vous pourriez avoir, avec le Breathometer. C'est un moniteur d'hygiène orale qui va vérifier votre hygiène avec un sensor haute technologie pour analyser ton haleine et détecter les bactéries dans ta bouche. Ça va même te dire ton niveau d'hydratation. Donc, apparemment que l'hydratation vient collaborer au fait que tu pourrais avoir une meilleure haleine. Donc, ça va te dire que tu devrais prendre un verre d'eau. Tout ça pour 145$. Ça donne même un petit score sur des feuilles de menthe. 3 feuilles de menthe sur 5, mettons. Ça pourrait être utile. À la place de te licher le poignet, puis c'est quoi le conseil? En même temps, si t'as peur d'avoir mauvaise haleine, t'as probablement mauvaise haleine. Probablement. Prenons une gomme. Ouais, une menthe. Une menthe. J'adore les menthes. Ouais, mais les menthes, par contre, des fois, c'est bien sucré, puis ça te redonne mauvaise haleine tout du moment que tu l'as fini. Ah ouais. Tandis que, tu sais, la gomme, elle se... jette, puis ouais. Tu sais, c'est parce qu'en même temps, j'ai l'impression que le caoutchouc de la gomme absorbe un peu en même temps, ce qui sent pas bon. T'sais. C'est possible, c'est peut-être juste psychologique. Là, ouais, ben sûrement. Vu que tu manges aussi, ça te fait saliver un peu plus. Fait que ça coûte. Ah, ben justement, parlant de dans ta tête, David Ferron hier nous a sorti qu'il y avait la maladie, ou en tout cas, il pense que c'est un syndrome ou une maladie, que les gars, il y a certaines marques de gomme qui vont se désintégrer et se digérer pendant qu'ils la mangent. Puis il est persuadé qu'il y a une grosse maladie. Là. Ben en fait, c'est que notre salive, en fait, c'est une partie de la digestion. Les sucs gastriques, c'est ça? Non, ben non, les sucs gastriques, ça, c'est dans l'estomac. Ça, c'est tu sais, quand t'as des brûlements d'estomac, ça, c'est tes sucs gastriques qui brûlent les parties non protégées de l'estomac. Okay. Ça, c'est de l'acide assez fort, en fait, là, qu'on a dans l'estomac. La salive, en fait, c'est comme une prédigestion, mais il y a de quoi de corrosif, en fait, dedans quand même, commence à préparer la digestion en tant que telle. Tu sais que lui, il est peut-être plus acide que d'autres? Peut-être. C'est même pas de l'acidité en tant que telle, là, mais c'est en tout cas... Quelque chose de proche de ça. Il y a peut-être la salive un petit peu plus forte que d'autres. Là. Qui sait, peut-être que David est en fait le fruit d'un programme génétique visant à reproduire des aliens. Ah, c'est pas fin. Traite pas David de légumes. Ah, tu veux dire... Alien! Okay. Ah. Alien! Ah. La franchise, tu sais, les extraterrestres noirs qui attaquent le monde comme une bouche dans la bouche. Là. Ouais, une bouche dans la bouche. Puis qui saignent de l'acide. C'est le classique de Ridley Scott qui a assuré de ne pas regarder ce film. Ça va me faire peur. Je vais me faire piquer et dessus. Et petite nature. Mais ça. Bon, ouais, prochain. Bon, prochain. On a une gang à faire. Est-ce que... Sans blague. Est-ce que t'as le beat dans le sang? Non, vraiment pas. Non. Du contraire de... C'est je quoi? Je suis extrêmement contre... blanc là-dessus. White man can jump, hein, comme ils disent. Ouais, can dance, en tout cas. Un autre classique, ça. Bref, c'est le Soundbrenner Pulse Smart Vibrating Wearable Metronome. C'est un métronome qu'on porte sur soi quand t'es dans un band ou quelque chose et que tu dois suivre un beat. T'es dans un marching band, par exemple, tu fais une grosse performance devant le public, quelque chose, t'as besoin du beat. Ben, c'est un métronome que tu portes sur ton corps avec une application qui vient avec et ça va vraiment te faire le beat et même les sous-beats et les sous-sous-beats. Ça pourrait être cool quand même pour les musiciens amateurs pour commencer peut-être. Évidemment, si t'es dans un band et qu'il y a déjà une batterie qui joue de la batterie, tu fais tout sa batterie, pas sur ton métronome. On s'entend. Moi, je m'en allais dire, comme le Viagra, ça sert à pallier aux problèmes communs des hommes blancs. Wow! Donc, t'es en train de dire aux gens, ayez donc du beat à la place. Hein? Ouais. À la place de patcher en essayant de vous trouver du beat à quelque part. C'est ça. Assumez le fait que vous en avez pas. Exactement. Ensuite, tiens, une autre chose qu'on porte sur le corps, mais cette fois-ci pour annoncer aux autres que tu vas peut-être tourner, mettons que tu es en vélo. C'est une lumière LED qui va après tes doigts, après ta main. Donc, c'est comme un genre de bracelet qui va par-dessus ton majeur. Ça s'appelle le SaniTurn. Et c'est SaniTurn Indicators, pardon. Donc, c'est des lumières indicatrices de sécurité qui s'attachent sur le dos de votre main et qui vont automatiquement clignoter lorsque vous allez signaler d'un bord ou de l'autre. Il peut y avoir des lumières pour des situations de faible visibilité et des lumières SOS pour attirer quelqu'un lorsque tu en as besoin. C'est parfait pour les coureurs, les marcheurs, les gens qui passent l'Halloween peut-être. Quelqu'un qui voudrait attirer un taxi, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ça pourrait être cool. Et ça me fait penser que le dos de ma main, c'est ça. Mais moi, c'est le haut de ta main. Mais moi, des fois, j'ai l'impression que le dos de ta main, c'est comme la paume, parce que ça, c'est sa face, le haut, parce que c'est ce que c'est je vois. C'est ce que toi, tu fait vois. Ouais. Ça dépend de ton orientation. Mais il y a quand même une référence. Une terminologie exacte. Ouais, non, le dos de la main, c'est le dos de la main. C'est le dessus, c'est ce que toi t'appelles, c'est ce qu'on voit là, quand c'est on se met la voit, main c'est son dos. C'est bizarre parce que c'est comme ta main est de dos déjà. T'sais. Mais ouais. c'est comme le téléphone, c'est les caméras de l'avant et du derrière. Pour moi, c'est comme compliqué parce que l'avant, le derrière, ça dépend de comment tu la regardes. T'sais. Ouais, l'avant, c'est-tu quand tu le regardes? Quand tu regardes ton écran. C'est ça. Moi, c'est mêlant. Je pense que je suis trop visuel pour ça. Moi, tu vois, j'avais vu, il y avait certaines marques, entre autres, je pense que c'était les tablettes Lenovo. C'était, il y avait séparé ça différent. Il y en a un qui c'était l'appareil photo, puis l'autre, c'était la webcam. Ah, c'est bon, ça. Parce que la webcam, ça projette dans ta face. C'est ben ça. Oui. Non, c'est les Motorola, je pense, ouais. Que c'est le même qui s'identifie. C'est une bonne idée. Ou sinon, côté écran et côté... Ouais, aussi. Mais il l'appelait caméra selfie versus caméra tout court. Ah. Ensuite, le prochain article, ben, fonctionne pas, mais je vous en parle quand même parce que je trouvais ça cool. C'est un bouton AMOLED, donc lumière LED fancy, sur lequel tu peux afficher un GIF animé. Oh, c'est un petit bouton. C'est fun, comme ça. Tu mets ça sur un... Moi, je me rappelle qu'au secondaire, il y avait un gars avec qui j'allais que... Puis ça, faut donner un contexte parce que c'était important quand même. J'allais dans une école privée où on avait un uniforme. Oui. Il y avait certaines choses qu'on avait le contrôle dessus. Et en bons adolescents, tout ce qu'on avait le contrôle dessus, on en profitait pour montrer notre personnalité là. Fait qu'on avait pas... Il avait oublié de mettre un règlement sur les ceintures qu'on portait. Ah! Fait que moi, évidemment, j'avais une ceinture à stud parce que j'étais un métalleux. Ben oui. Mais il y avait un gars avec qui était dans ma classe 4 ans de temps au secondaire qui lui, s'était acheté une ceinture qui avait une immense boucle de ceinture. Puis c'était des LED rouges parce que quand j'étais au secondaire, c'était les seuls LED qui existaient. Là. Dans le temps que les TV LCD, c'était des TV de riches. On avait encore toutes des cathodiques dans le temps. Mais qu'il y avait des LED rouges qui pouvaient programmer. Puis là, ben... C'était pas programmé avec son téléphone intelligent parce que on n'avait pas de cellulaire ben dans non, ce temps-là. Et les cellulaires, même ceux qui en avaient, n'étaient pas intelligents. Je fais que t'as programmé avant de la tout. Porter, genre. Fait que t'as branché par série sur ton ordi. C'est... Exactement. Pas vrai? Ben, il a branché USB sur son ordi. Encore même. Il y avait un programme sur son ordi qu'il fallait qu'il programme. D'ailleurs, c'était pas aussi simple. C'était pas un beau petit programme facile à utiliser. Il fallait qu'il connaisse des notions de programmation. Il fallait qu'il rentre en... Je pense qu'il fallait qu'il rentre carrément à HTML, un truc comme ça. C'est vraiment geek, j'adore ça. Mais c'était vraiment drôle. Fait que là, il se promenait à l'école avec un gros « I just lolled » qui circulait sur sa boucle de ceinture comme constamment toute la journée. Wow. C'était hyper dérangeant, mais mon Dieu que c'était drôle. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a des règles sur absolument chaque article de vêtements. Exactement. Hein? La longueur des jupes, la couleur des cheveux, la couleur des bas, pareil. Ouais, il y avait des règlements de même, mais comme les ceintures, ça avait passé dans le beurre. La première année que j'étais au secondaire, on était obligé de porter des... L'uniforme, elle avait oublié de réglementer parce que c'était tout nouveau en fait quand j'ai eu ça. Il avait oublié de réglementer le t-shirt qu'on portait. On avait le droit de porter un t-shirt en dessous. Ouais. Fait que là, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait le choix entre un polo bleu et un polo blanc. Ben là, tout le monde prenait le polo blanc. Tu voyais au travers. Puis un on peu. Voyait nos t-shirts au travers parce que c'était des polos cheap que l'école avait, avait comme mis dans le catalogue. Fait que. Ouais. Dans le catalogue. Waouh. En tout cas, je trouve que les gifs animés, c'est encore plus cool que ça, mais c'était c'est très sûr, cool. Mais c'est la version début des années 2000 de primitive. De version primitive, on peut dire ça. Continuons avec, tiens, parlant de choses à afficher, c'est Life Print qui transforme vos photos en genre d'imprimés vivants, un peu à la Harry Potter. Harry Potter, Life Print. Est-ce que t'as vu ça? Non. Je pensais, moi, je t'as probablement vu ma face de oh non. Ouais. Parce que moi, je pensais que t'allais dire que c'était le truc, tu sais, là, la compagnie que tu peux te faire venir une tasse avec ta photo très mal prise de ton chat, puis ouais, te faire faire des t-shirts avec la face de tes enfants. Tout difforme parce que c'est sur une tasse. Puis que c'est mal photographié à la base, puis là, eux autres, ben, ils sont sans scrupules, ils prennent juste les photos de merde que t'envoies. Ouais. Pis... Ils ont pas le choix, hein. Parce que non, mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes capable de cadrer quoi que vous prenez des belles photos. C'est pas parce que vous dites que les photographes, c'est n'importe quoi, puis tout le monde est capable de faire ça. Prenez-en, vous autres, voir. C'est faux. Ouais, c'est faux. C'est pas c'est juste complètement l'équipement. Faux. T'as l'équipement, t'as la personne, t'as le talent, t'as la lumière, t'as la... T'sais, c'est pas pour rien que c'est un cours être photographe. Il y en a des affaires à savoir. Ah, tout le monde, sérieux, le nombre de fois que j'ai entendu qu'une job était facile... Beaucoup trop le souvent. Nombre de fois dans un certain magasin d'électronique où je travaille et où j'ai entendu du monde arriver dire qu'il était photographe et ensuite me poser des questions, ensuite vouloir acheter une petite caméra à 100$ qui fait une moins bonne job que votre téléphone cellulaire. Ouais. Et moi de leur dire ouais mais si t'es photographe tu feras pas de photo de mariage avec ça ou de quoi là, tu peux rien régler dessus. Ouais, mais moi les réglages je touche pas à ça. T'es okay. Pas un photographe, parfait. Ouais, cool. C'est ça. Next. Donc, le Life Print, c'est une petite imprimante, en fait, qui est similaire à un petit Polaroid Zip, là, comme tu as peut-être déjà vu, qui sort des photos très rapidement. Donc, ça utilise le Bluetooth pour se synchroniser avec votre téléphone cellulaire. Et il y a aussi un papier photo Zinc Thermal. Et c'est là que les similitudes avec le Polaroid Zip se terminent parce que ça imprime des hyper photos à réalité augmentée. Donc la photo a l'air normale, mais quand tu la vois via ta caméra de téléphone cellulaire, ça devient des clips vidéo. Donc tu comprends que imprimer c'est une photo, mais quand tu la regardes avec ton cell, réalité augmentée, ça apparaît par-dessus une vidéo animée de 15 secondes. C'est quand même vraiment cool pour $130 sur liveprintphotos.com. Ça veut dire que c'est le même prix que la machine, là, celle de Polaroid, entre ouais, autres. La Zip de tantôt. Hein. Je ne sais pas combien qu'elle coûte, mais il y a HP et il y a ceux qui font les petits Insta... Ben, Fujifilm, dans le fond, ouais. Qui en font aussi, puis c'est pas mal le prix que ça coûte. Là. Ouais, c'est même, la HP, je pense... Pas, non, la Fuji est encore plus chère que ça, même, je pense, puis elle a pas cette... Ce truc-là dedans, c'est quand même très cool. Vraiment. On va juste savoir si la qualité d'impression est vraiment bonne. Tu sais, les photos au zinc, en fait, c'est le papier qui fait l'impression comme tel. Fait que c'est dur de faire des mauvaises photos avec ça. La Polaroid Zip en ce moment est à $105, donc c'est à peine un petit peu plus, 130 pour le modèle avec vidéo par-dessus tes photos. Après ça, il faut que tu achètes évidemment du film. Hein. $20 pour un emballage de 30. Ouais, c'est là que tu te fais poigner un petit peu. Mm. Hein? Ensuite, parlons de Droplet. C'est un bouton Bluetooth qui rend vos rappels un petit peu plus permanents. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est un peu, ça ressemble au Amazon Dash. T'as vu les Amazon Dash, c'est un bouton que tu commandes, mettons, du papier essuie-tout ou quelque chose comme ça, juste en appuyant sur le bouton, ça te commande. Bon, c'est un peu le même principe. Donc, le Droplet, c'est un bouton Bluetooth qui est fait pour se coller sur n'importe quelle surface et c'est configurable avec des rappels, donc des messages personnalisés. Pareil comme l'Amazon Dash, tu vas juste peser dessus et ça va te faire des rappels tout le temps. Donc, il se positionne comme un appareil de rappel rapide. Et ça dit que ça aide à vous à gérer vos petites tâches, que ce soit rappel, tracking, action automatisée sur Internet. Donc, tu pourrais, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais faire. Peut-être lancer des backups avec ça, quelque chose comme ça. Autrement dit, c'est un dash programmable. Ben, c'est pas mal ça. C'est vraiment bien comme idée. C'est aussi plus petit qu'un Amazon Dash. C'est fait pour être discret, portatif, donc pour le transporter vraiment n'importe où. Tu sais, Amazon Dash, c'est fait pour être collé, mettons, sur ta laveuse, pour que quand t'as plus de savon, t'appuies dessus, puis ça te commande du savon, puis tu le reçois chez vous. Un peu le même principe. Donc, un bouton matériel pour utiliser un logiciel, finalement. C'est drôle parce que je connaissais pas ça, l'Amazon Dash. Je l'ai cherché pendant que tu parlais. Je me suis rendu compte que je trouve ça très drôle parce que dans plusieurs photos, t'as des trucs logiques, genre taille, gilette, tu sais, puis t'as commandé de l'arme de rasoir quand t'en manques, du bounty, tu sais, de l'assouplisseur, des pas choses la comme de ça. Puis en dessous complètement, t'as Gatorade. Ah, ben oui, tu commandes du Gatorade. Mais ben si oui. T'as soif, t'attendras pas ta commande Amazon. Je veux dire, ça va être bien plus vite de marcher au dépanneur. Quand tu sais que t'en restes 5-10, mettons, là, tu commandes une caisse, mettons. J'avoue. Parce que tu peux programmer combien t'en achètes de chaque, quelle saveur, dans ton compte, puis paf. C'est quand même pratique, mais c'est ça, c'est pas... Mais j'avoue que tant qu'avoir la possibilité de faire ça, moi j'aime bien mieux en avoir un que je peux programmer, mettons, avec IFTT, mettons, un truc comme ça, puis ouais. Ça peut être complètement autre chose. Là. Ça peut être, dans le fond, absolument n'importe quoi que tu programmes, c'est... Les possibilités sont infinies. Rendu là, le but du Dash, tu sais, t'as une Google Home, tu fais un programme IFTT, puis à la place, tu le dis avec ta voix. Ouais, Google, commande-moi, t'as l'affaire par Amazon. Blablabla. C'est ça. Ouais, ben il y a plein de solutions, puis c'est ça qui est le fun, hein? On vit dans le futur. Ouais. 39$ par bouton pour les droplets. Quand même cher, US en passe. 30 000? 39$. OK. 30 000$. Tabarouette. 1 000 000. une compagnie québécoise maintenant, Smart Halo. Elle va distribuer ses produits partout en Amérique du Nord. C'est une compagnie montréalaise qui vient conclure une entente avec le distributeur d'équipements de vélo Holly Lambert de Holly Lambert, j'imagine, de Lévis. Ce partenariat permettra aux produits Bluetooth Smart Halo qui rend intelligent n'importe quel vélo d'être distribué dans plus de 5000 détaillants, dont 4000 aux États-Unis et 1000 au Canada, nous dit la presse. C'est arrivé dans 350 Apple Stores déjà en Amérique du Nord et en Europe depuis l'automne, et c'est sur Amazon aussi. La nouvelle entente va leur permettre d'atteindre des centaines de milliers de cyclistes. Je vais aller sur les détails un petit peu. Ça a été conçu au départ pour remplacer le cellulaire utilisé comme GPS qu'on tient dans une main en roulant et qui peut facilement causer des accidents. Donc, Smart Halo s'installe sur le vélo et se synchronise avec son application téléchargée sur un téléphone intelligent bien rangé, donc dans son sac, mettons. Il vous indique le chemin à prendre virage par virage grâce à un halo de lumière. Il localise aussi votre vélo et si vous avez oublié où il est garé, vous allez pouvoir le savoir. Et c'est muni en plus d'un système anti-vol. Et l'entreprise fait des mises à jour pour améliorer l'expérience des cyclistes une fois par mois. Ça pourrait être vraiment bien de savoir où tourner sans avoir à entendre une voix ou sans avoir à avoir tes écouteurs sur la tête ou des trucs comme Parce que c'est un peu le problème en vélo, hein. Faut être un peu plus alerte, plus vigilant. Mais c'est le fun, c'est ça. C'est comme une espèce de ronde couleur. Puis là, ça te montre à quel point tu chauffes puis dans quelle direction faut que tu ailles. Ouais, c'est parfait. Ce qui est bien, parce que contrairement à en voiture où tu as tout un chemin extrêmement délimité, en vélo, tu peux dire, OK, ben il faut que j'aille à peu près dans cette direction-là. Fait que tu peux zigzaguer un peu, effectivement. Puis tout, ça te donne de la marge, mettons, de quand ton auto dit tourne sur cette rue-là, ah merde, je l'ai manqué. Tourne sur cette rue-là, ah non, je l'ai encore manqué. Ça fait un petit peu comme dans un jeu vidéo, tu suis la flèche qui t'indique le nord. Ça me fait penser en fait à Midnight Club, les jeux d'auto. Okay. Où c'est des jeux d'auto open, c'est des jeux de course open world dans le fond. Donc t'as comme une carte, faut que tu te rendes au prochain checkpoint mettons. Puis tu prends le chemin que tu veux, tu sais. Puis il y a une partie de la job, tu sais, une partie du jeu en fait qui est pas rien que de conduire plus vite que les autres, mais de prendre un chemin plus intelligent. Ouais. Mais ça me fait un peu penser à ça parce que t'as pas exactement un tourne à telle place comme dans, mettons, d'autres jeux de voiture où que, ben, le parcours est délimité. C'est vraiment, faut que tu prennes la bonne... tu vas dans la direction générale, mais tu sais, toi, si tu vois qu'il y a un grand boulevard pas loin, tu peux faire un petit détour pour aller pogner le boulevard, puis ça va t'accélérer, tandis que d'autres vont comme virailler d'un petit coin. Ouais. Là, ben, c'est un peu la même chose en vélo, j'imagine. T'es pas pris non plus à regarder tout le temps le bidule, parce que c'est comme dans ton champ de vision un petit peu, fait que tu vas comme au feeling. Okay, ça marche avec des couleurs, là. Plus t'es dans le bon... tu sais, dans le fond, ça part du rouge vers le vert. C'est chaud-froid un peu. C'est ça, hein? Ouais. Puis c'est que ce qui est logique en même temps, c'est qu'en vélo, tu sais, tu peux très bien avoir un meilleur chemin pour le GPS, mais que toi, tu le sais que cette rue-là, tu sais, mettons, on va donner un exemple, le boulevard des Forges, qui semble être un bon chemin pour aller à bien des places, mais qu'en vélo, c'est horrible, il n'y a pas de piste cyclable sur le bord. Et tu veux tout faire pour l'éviter, en fait. Ouais. Fait que ça doit pas se vendre très cher en plus, cette chose-là. C'était pas écrit sur l'article, malheureusement. En tout cas, l'article est vraiment long, fait que c'est peut-être écrit à quelque part là-dedans. Ah oui, tiens, j'ai 200$ US, donc canadien. 200$ canadien. C'est le prix d'un GPS normal de voiture, là. Ça a été adopté par 15 000 cyclistes dans 72 pays déjà. Félicitations, c'est Montréalais. Ben écoute, on les félicite. Oui, absolument. Ensuite, une lentille de contact qui combine la correction visuelle avec un filtre photochromatique dynamique. Oui, pour prendre genre, pour voir la vie en Instagram. C'est un partenariat entre Transitions Optical et Johnson & Johnson Vision qui va permettre pour la première fois de déployer la technologie photochromique d'adaptation à la lumière sur des lentilles de contact. Donc la catégorie photochromique s'en va au-delà des verres correcteurs, rendant plus largement accessible la maîtrise de l'intensité de la lumière. Et dans un certain nombre de situations quotidiennes, la lumière naturelle ou artificielle et les rayons UV peuvent porter atteinte au confort de vision et à la santé visuelle. Donc AccuView Oasis avec Transitions Light intelligent. Technology. Je sais pas quel mot prononcer en français là-dedans parce que avec, ah, ça me mêle tout. Donc une lentille de contact qui combine la correction visuelle avec un filtre photochromique dynamique et régule en permanence la quantité de lumière qui atteint l'œil. Selon les variations de lumière, cette lentille passe rapidement de l'état clair à l'état foncé, réduisant ainsi l'exposition de l'œil aux fortes luminosités à l'intérieur comme à l'extérieur, tout en filtrant la lumière bleue nocive et en bloquant les rayons UV. C'est génial. Deux choses. La lumière bleue nocive est nocive dans la deuxième moitié de la journée. Okay. Le matin, c'est nécessaire. Ah. Parce que la raison pour laquelle elle est nocive, c'est que la lumière bleue, la lumière bleue active l'organisme. Donc, ça règle notre horloge biologique pour dire, OK, je vois de la lumière bleue, donc c'est le matin, donc on part le biorhythme en fonction de ça. C'est pour ça que c'est pas bon de regarder son écran de cellulaire ou de... Si vous avez pas un filtre à lumière bleue sur votre cellulaire, parce que maintenant, de plus en plus, ils viennent avec ça, ou votre ordinateur, là encore, ou Windows, là, maintenant. Est-ce que ça fait autant de travail? Est-ce que c'est vrai que ça va vraiment t'aider? Oui, ça change vraiment de quoi. Parfait. Ben, en fait... La réponse, la luminothérapie, là, tu sais, qu'on suggère de faire là, dans les mois là, d'hiver, là, où il y a moins de luminosité, en fait, c'est à ça que ça sert. C'est que notre journée est déjà très commencée quand on commence à avoir de la lumière, parce que beaucoup de gens qui travaillent ne voient pas le soleil de leur journée de travail. Le fait, puis ils vont le dire tout le temps, la première règle de la luminothérapie, c'est de la faire le matin. Si tu l'as fait plus tard dans la journée, ça sert à rien pendant tout. C'est quoi? Ça te dérègle encore plus. C'est à ça que ça sert le matin, c'est de voir de la lumière bleue assez longtemps pour régler ton biorhythme dessus. Ah! J'aurais jamais pensé. Donc, c'est bon à savoir. Ces verres de contact-là, d'après moi, c'est un peu le même principe que les lunettes. C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose, mais ils ont réussi à l'intégrer dans un verre de contact plutôt que sur un verre de lunettes. Mais c'est que s'il y a un filtre à lumière bleue, faut faire attention, faut pas les porter le matin justement, parce que là, ça va tout dérégler. Et ça pourrait te permettre de peut-être jouer à des jeux vidéo, quelque chose de plus tard dans la soirée, sans avoir activé le mode. Oui. Ben, c'est intéressant tout ça. C'est intéressant. Ensuite, un accessoire pour PC qui te permet de jouer avec tes pieds. Hein, c'est bientôt les pieds qui vont être utilisés pour jouer à des jeux PC. C'est une société allemande qui s'est mise en tête de créer un accessoire les mettant à contribution, en plus de la souris et du clavier, pour éliminer l'ennemi. Hein, évidemment. Donc la société allemande CapLab planche actuellement sur un dispositif de jeu baptisé Bacon, se fixe à la chaussure et permet de lancer d'un simple mouvement du pied des actions ou des macros, donc des enregistrements de commandes, un peu comme le bouton de tantôt, dans vos jeux PC préférés. Hein? Jusqu'à 24 actions simples et 4 combinaisons complexes, le tout associé à des profils qui sont activés avant ou pendant les phases de jeu. C'est une phase de calibration qui permet au capteur caché dans les entrailles du boîtier d'identifier à la fois la position de votre pied, mais aussi d'associer les commandes en fonction de la force, de l'amplitude et de la direction du mouvement effectué. Par exemple, pour soulever, si on soulève légèrement l'avant de la chaussure, ça pourrait recharger une arme et le décoller complètement de terre, peut-être dans un jeu de course. Tu sais, c'est pas idéal. Ouais, en même temps, il existe des pédales déjà. C'est ça, sauf que là, t'as pas les pédales, c'est juste tes pieds. Ouais. Tu te sauves des pédales. Ouais. Mais en même temps, étant moi-même quelqu'un qui se promène, qui se bouge beaucoup les jambes quand je game, il me semble que. L'hyperactivité. Je serais clairement pas un client. Non, mais c'est parce que je change de position. Ah, ok. Ça te ferait accélérer pour rien. C'est ça. Le poids du beacon est donné pour 40 grammes, en plus du support qu'on fixe à la chaussure qui est de 30 grammes. Il faut aller voir plus d'informations sur l'article sur assemblagerequis.com. On dit qu'on peut commander sur beacon.zone, BCON.zone, en ce moment avec un tiers rabais, vu que c'est tôt dans leur histoire. On va terminer là pour ce bloc-là. On en fera un autre tantôt, parce qu'après la pause, ça va être au tour de Sébastien Guertin. De quoi est-ce qu'on parle dans ton bulletin Guertin ultime? Le bulletin Guertin! On va parler de loi 101, en fait. Oh! You're gonna talk about the law 101. Je vais... je vais terminer ma carrière radiophonique avec un grand... Excuse-moi, je faisais du doublage. C'était vraiment déplaisant. Ouais, je sais. Je vais terminer ma carrière radiophonique, dis-je, avec un grand sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur à beaucoup. La loi 101. Ouais. Et la langue française. Peut-être qu'il ne mettra pas ses écouteurs au retour pour ne pas avoir à entendre ma voix déplaisante. Exactement. On revient dans 2 minutes, restez là. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Hawk à Assemblage Requis. Et maintenant, c'est la définitive édition, l'ultime édition du collectionneur du bulletin Gertin. Bulletin Gertin qui va passer à l'histoire. Salut Sébastien Gertin, absolument. Oui, qui va passer à l'histoire comme étant le dernier. Eh oui, pour des raisons hors de notre contrôle, Et oui. Tu t'en vas, tu déménages. C'est ça, m'en vas à Montréal. Mais oui, dans la grande ville, toi. C'est ça. Vivre les vrais problèmes de société. C'est ça. Ben en fait, c'est ça qui est drôle. Je m'en vais pas techniquement à Montréal, je m'en vais sur la rive sud. Pas en banlieue. 4-5-0. Oh non, ça c'est dans mauvais. La place la plus banlieue de la banlieue, c'est-à-dire Brossard. François Massicotte, ça. Ouais, c'est ça. Ish. Bref, d'ailleurs, parenthèse, je trouve ça très drôle. Tu sais, étant un féru de politique, comme ceux qui nous écoutent le savent probablement, hein, quand j'ai su ma nouvelle adresse, je me suis dit, quin, je vais regarder dans quelle circonscription je me trouve, parce que, on vote en octobre. Hein? Oui. Mon député sera le ministre Barrette. Oh my god. Jackpot, hein. Mais, tu sais, j'ai eu comme. Ça s'est fait en deux temps. T'sais, le premier temps, c'est pas vrai. Je suis pas vraiment dans la circonscription de Barrette. C'est une des personnes que j'ai le plus de haine et de mépris envers. Et après ça, il y a eu un autre. Il y a eu le deuxième temps qui a été. Ouais, mais ça veut dire que je peux voter contre lui. Ah ouais? Ça, c'est magnifique par contre. Ça, c'est l'acceptation, je pense. Entre les deux, avec le parguinage, je sais pas trop quoi. C'est ça, en fait, c'est ça. J'ai hâte de voir, en fait. J'ai toujours été, en fait, un de ceux qui était le plus contre le vote stratégique. Ouais. Je me suis déjà affiché en autre comme étant moi-même un fan de QS. Tu votes pour tes convictions. Je vote pour mes convictions. Mais honnêtement, je pense que dans le cas précis, je vais voter pour n'importe qui a des chances de le déloger. Ouais. Parce que je pense que, justement, mes convictions, c'est... Tu sais, faut placer un ordre à mener. Oui, la social-démocratie. Oui, une politique plus saine au Québec. Plein de choses. Mais... Je pense que prioritairement, Barrette est un ennemi de la société québécoise présentement. Et si t'as l'occasion de voter contre lui, pareil comme, mettons, avoir été américain aux élections de 2016, ben oui. J'étais pas un grand fan d'Hillary Clinton, mais j'aurais voté pour elle juste parce que c'est quand même un moindre mal que, tu sais, c'est de la mauvaise politique as usual. C'était un peu, ça aurait été probablement un retour un peu aux années Bush de warmongering. Mais, Colin, on regarde la débâcle actuelle de la présidence américaine. Je m'en allais pas pantoute parler de ça, mais c'est ma dernière Colin, on va faire ce que je veux. C'est ça. Tu sais, une chose que je trouve magnifique, je réécoutais hier des John Oliver à propos de Trump, justement, pour me donner des idées pour ma chronique. Je me disais, ça va-tu être un Trumpistan ou. Finalement, je veux parler de quelque chose de plus québécois, mais je vais quand même en profiter. Je vais quand même parler un peu du Trumpistan. Ben oui. La parole des États-Unis à l'international, les États-Unis ont quand même. N'en déplaise à plusieurs, ont quand même longtemps été le leadership mondial. C'est ça. En termes de démocratie, en termes de diplomatie, et ainsi de suite. T'étais presque président du monde quand t'étais président. C'est ça. C'est un peu exagéré de le dire comme ça, parce que, bon, il y a personne qui les a élus quand même, mais... C'est un chef de file, les gens se fient sur ça toi. Ça se voulait un genre de leader positif. Ouais. Puis les États-Unis, surtout sous le règne Obama, en fait, dernièrement, là, plus récemment sous le règne Obama, ont été les artisans de démilitarisation, en fait, de certains pays problématiques. On pense entre autres au deal de l'Iran, que Trump s'est fait élire en disant qu'il allait le renégocier, puis tout, alors que tout le monde, partout dans le monde, unanimement disent « Ouais, mais on a l'Iran s'est fait fourrer avec ça, là. C'est parce qu'il n'y avait plus le choix qu'ils ont négocié. » Puis là, le problème, c'est que si les États-Unis reviennent sur leur parole là-dessus, la parole de la Maison-Blanche ne vaut plus rien. Mmh. Ça veut dire que les promesses que les États-Unis font sont bonnes seulement jusqu'à la prochaine élection américaine. Ça, c'est le danger, parce que là, le prochain à négocier comme ça pour désarmer, c'est la Corée du Nord, qui est déjà beaucoup plus un problème que l'Iran était dans le temps. Dans le temps qu'on commençait à avoir des... Donc, si Kim Jong-un, qui est moins imbécile qu'on lui donne le crédit d'ailleurs, soit dit en passant, voit bien que ça donne à rien de négocier, il négociera pas. Hein? L'ouverture de laquelle il a fait preuve dernièrement a peut-être finalement négocié avec l'Occident puis essayé de bon, on va trouver un compromis. Il va peut-être s'en sacrer finalement parce que s'il se dit, si moi je me force à faire un compromis qui fait pas mon affaire pantoute, en partant, parce qu'ils me tiennent par les couilles, on va se le dire. Puis qu'en plus, dans 3 ans ou dans 2 ans, un autre président va peut-être carrément décider d'autre chose, puis c'est un coup de tête complètement sacré notre ce qu'on a fait au vidange. Nous, ça donne quoi de négocier? Fuck off, on continue à leur faire peur, puis. Tu sais, on peut juste espérer. J'ai bien plus à gagner à me foutre d'eux autres de même, d'abord, là. Ce que j'ai à gagner, je le gagnerai pas. Ils vont me remettre les. Quand ça va faire leur affaire, ils vont me remettre leur, les conséquences. Fait que bref. Espérons que le prochain président soit plus compétent. Hein? On espère. On espère qu'il sera pas réélu. Je pense, puis honnêtement, je pense que Trump se représentera même pas. Tu penses, hein? Moi, j'ai pas l'impression c'est qu'il est heureux. C'est bien trop de travail présent. Pour lui, là. C'est ça. J'ai l'impression qu'il est pas très heureux présentement. Il a pas l'air heureux. Sa femme a l'air heureuse quand il est pas là, par exemple. Ouais, c'est ça. Hey, pauvre elle, sérieusement. On va prendre 2 secondes, là. Ben, oui. On va se le dire, Mélania Trump, c'est pas mal une gold digger, mais ben, Colin, oui. même une gold digger mérite pas ce qu'il y a. Elle savait pas autant que autant c'est que ça quoi s'embarquer, ouais. Pauvre elle. Bref, je voulais parler d'un autre sujet difficile, la charte de la langue française. Oui. La loi 101. Loi 101. J'ai pas vu les 100 premières, fait que je suis pas au courant. Ben, c'est en fait ça, c'est une erreur d'appeler ça la loi 101. En fait, comme à toutes les fois qu'on appelle une loi, la loi numéro telle affaire, parce que c'est la loi numéro de telle affaire de... Ouais, il y a un nom plus long que ça, ça c'est raccourci. Ça. C'est, en fait, non, en fait, c'est très court, c'est la charte de la langue française. Non, c'est pas ça. La charte de la... En fait, c'est que... Quand on dit la loi 101, c'est que c'était la 101e loi votée par cette législature-là. Mm-hmm. C'est juste ça que ça veut dire. Pareil, comme on parlait de la loi 60 sur la laïcité l'automne dernier, c'est parce que c'était simplement la 60e loi à l'examen. Mais elle n'est pas arrivée avant la 101. C'est pas chronologique non, c'est de ça, toute l'histoire. C'est ça. La loi 101, ça a été votée en 1974 par le premier gouvernement péquiste, en fait, au Québec. La loi 60, c'était l'automne dernier. Fait que ça n'a pas rapport. Il y a eu une loi 60 dans la législature qui a voté la loi 101. C'est juste que ça a été une loi que c'était pas juste une loi budgétaire ou une loi bien niaiseuse. C'est plusieurs centaines de lois qui. Ben, couple de centaines d'habitude par législature. Donc, la loi 101, ce qu'elle venait installer, en fait, c'est qu'au Québec, on considérait que c'était un bilinguisme territorial. OK. Pis c'était de rendre ça de juré. De juré, ça veut dire légalement. Légalement, on consacrait le bilinguisme territorial. Pourquoi? Parce que le Canada est un pays bilingue, c'est-à-dire qu'il y a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Et traditionnellement, le Canada j'ajouterais un peu hypocritement, toujours défendu la vision personnelle du bilinguisme. C'est-à-dire que tout Canadien, peu importe sa langue maternelle, parle les 2 langues. Donc, on choisit la langue la plus pratique pour la situation et tout le monde est à l'aise dans les 2 langues. Or, c'est pas le cas réellement. Dans la vraie vie, essayez de parler français en dehors du Québec. Puis du Nouveau-Brunswick, mettons. Puis de certaines régions du Nouveau-Brunswick. Puis de certaines régions de l'Ontario. Puis un petit peu des faux Manitoba. Même là. Même là, l'héritage francophone au Manitoba, il est pas mal éteint, en fait. Là. Il n'y a plus grand francophone au Manitoba. Là, on les compte même plus par milliers. Là. Ah, pour vrai. Contrairement au moins l'Ontario qui en reste un peu. Puis le Nouveau-Brunswick, en fait, qui est la seule province bilingue. Et d'ailleurs, là encore, il y a des régions clairement francophones et des régions clairement anglophones au Nouveau-Brunswick. Là. Je veux dire, c'est pas. Ça se mélange. Ben, je veux dire, c'est pas que les gens saillissent, là, mais les gens vivent en francophone puis en anglophone. Tu parles avec ceux que tu comprends, quand c'est même. C'est ça. Ben, exactement. Donc. Fait que c'est ça la différence un peu entre le bilinguisme territorial, c'est-à-dire il y a des régions qui parlent telle langue dans le pays et des régions qui parlent telle autre langue. Et idéalement, oui, tu te débrouilles dans les 2 langues, mais t'es pas tenu de le faire. Tu peux faire ta vie dans une des 2 langues officielles. Ouais. Fait que ça veut dire que c'est pas obligatoire que des francophones du Québec apprennent l'anglais, mais c'est pas obligatoire que des anglophones du reste du Canada apprennent le français non plus. Donc, on se demande lequel est le plus logique. Bien, évidemment, le territorial, si tu y penses bien, il est beaucoup plus logique. Surtout quand que tu fais partie de la minorité. Ouais. Tu te dis, regardez, on sait que vous ne l'apprendrez pas le français. Nous autres, on n'a pas le goût de se faire chier avec l'anglais. On veut garder notre langue, garder la vôtre. C'est pas grave, tout le monde est content de même. Personne ne fait d'efforts plus que ce qu'il devrait apprendre. On parle notre langue maternelle. Par contre, ça implique qu'il faut maintenir territorialement cette langue-là. Ça implique la loi 101, en fait, qui était de... Puis là, je vais rentrer plus dans les détails, mais la philosophie derrière la loi 101, c'était de dire au Québec, la langue commune, la langue des échanges, ça veut pas dire que vous avez pas le droit de parler une autre langue chez vous, ça veut pas dire que vous avez pas le droit de parler d'autres langues, mais la loi commune, la loi communautaire, la loi dans laquelle on communique, généralement, c'est le français. Donc, l'idée, c'est de dire que okay, quelqu'un qui parle uniquement le français devrait être capable de faire sa vie. Sans trop d'effort. C'est ça, la philosophie de base. C'est là, puis là, ce que ça implique, pis ça, c'est pas de dire que si vous êtes un anglophone, on veut plus de vous. Non, non, ça veut juste dire, ben, considérez que oui, vous allez peut-être avoir affaire à des institutions francophones si vous restez au Québec. Ça veut dire... On va essayer de vous accommoder. D'ailleurs, c'est reconnu que la minorité anglophone au Québec, c'est la minorité linguistique la mieux traitée dans le monde, soit dit en passant. N'en déplaise à plusieurs éditorialistes de Montreal Gazette. C'est reconnu comme étant la minorité linguistique la mieux traitée dans le monde. Tous les journaux ont leur chialeux, hein? C'est ça. Je veux dire, Montreal Gazette font leur... argent sur je veux dire... Le Québec bashing. Le Québec pas le Québec bashing nécessairement, mais le francophone bashing. Ouais, c'est ça. Donc, l'affaire, c'est que là, on tombe dans ce que j'appelle souvent le yab et des détails. Mm-hmm. On tombe dans ces détails-là. Puis c'est là que le yab pogne les vaches. Les fleurs du tapis. En tout cas, le name it, là. Allez-y comme vous le sentez. Je pense que j'ai déjà un peu démontré que bon, la philosophie se tient derrière ça, mais après, à cette heure, ben là, l'affaire, c'est que ça implique, entre autres, de maintenir une offre francophone au Québec. Puis c'est là que le bas blesse. Là, on s'en rend compte, parce que là, comme j'ai dit, ça a été voté dans les années 60, en 1974. Il n'y avait pas d'Amazon dans ce temps-là, il n'y avait pas de Netflix non plus, il n'y avait pas toutes ces affaires-là. Veux, veux pas, le commerce, puis d'ailleurs, il n'y avait pas de Walmart non plus. Non, c'est ça. Le commerce. Avant ça même, sûrement. Le commerce était pas mal un commerce local. Mm-hmm. Il y avait déjà des grandes chaînes comme Labo et des choses comme ça, mais eux autres étant minoritaires, en fait, ils étaient obligés de suivre. Et du commerce local, tu sais, dans le temps, vous alliez pas. Mettons, vous achetiez votre TV, vous l'achetiez pas dans un gros magasin dans les années 70. Il y avait un vendeur de TV local du quartier qui vendait des TV puis qui faisait souvent la réparation lui-même. Vos électroménagers, il y avait une boutique d'électroménagers que dans le temps, les électroménagers, c'était poêle, frigidaire, laveuse-sécheuse, comme vous dites. Mm-hmm. On s'entend, là, dans les années 70, des années 70, il commençait à avoir des micro-ondes, mais ça, c'était le monde high-tech qui avait ça. Tu vois, de nos jours, il y a encore quelques petites boutiques locales comme ça, mais ils font tout sauf vendre le produit qui est écrit dans leur nom, genre boutique de la balayeuse. Ils vendent plein d'autres affaires. T'sais. C'est ça. Il n'y a plus de magasin spécialisé ils ont tant que ça. Pas le choix. Pas le choix, si tu veux survivre. Parce que si tu vends Yang des balayeuses, ben, tu sais. À un moment donné, hein? Rendu là. C'est ça. C'est ça. Les gens se prennent un aspirateur automatique qui fonce dans les murs puis qui a de la misère à ramasser des céréales. C'est ça. Il n'y a plus. Tu sais, je veux dire, le monde a tellement de. Tu sais, on a beaucoup plus de choix pour se procurer nos affaires qu'avant. Puis, c'est ça. Les mots t'as dit des affaires de ah, ça, on peut pas le commander au Québec parce que c'est en anglais. Mm-hmm. Puis des affaires comme ça, ben, on s'en rend plus compte. Par contre, une affaire que j'aimerais spécifier, puis là, moi, je l'entends souvent parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas avoir au Québec. Puis là, c'est une décision commerciale de ben, si on en vend pas tant, ça vaut pas la peine de le traduire. Puis tatati tatata, puis tout. Ouais, mais en Europe, les compagnies font des français. Boîtes. Ben, déjà, la traduction française existe en général, de un, à cause de l'Europe. Puis même là, prenez l'exemple de l'Europe, justement. En Europe, il y a. 5 langues, 6 langues, ces boîtes des affaires. Nobody but a problème. Il n'y a personne qui a de problème avec ça. Mm. C'est une question de respect à un moment donné. Ouais. Tu mets peut-être moins d'informations, mais. C'est ça. Puis à ce temps, de toute façon, tu mets moins d'informations, seulement l'essentiel, puis le reste, un site web que tu peux c'est traduire. C'est ça. Puis c'est pas parce que de la traduction, ça coûte cher. Quand on parle d'une multinationale comme, je sais pas, moi, pour pas les nommer, mais Asus, par exemple. C'est comme les moyens de traduire des affaires, tu sais. À limite que ça soit une traduction à botch. Mm. Bon, y a-tu moyen de moderniser ça pour prendre en compte le nouveau contexte commercial? Probablement, parce que. Puis c'est ça, là. Moi, je suis bien entre deux chaises là-dessus, en fait, parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Tout le monde, tu sais. c'est facile. On peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait un certain « OK, telle chose, on va permettre que... » Bon, peut-être qu'on n'a pas vraiment le choix de fonctionner en anglais pour ça, simplement parce que, ben, la langue de l'Internet, c'est l'anglais. On s'en sauve pas. Mais même si on fait juste un parallèle avec, justement, les considérations de la loi 101 pour les ouvrages de fiction, on a le droit d'acheter des livres anglais au Québec, ouais, parce que, ben, c'est l'œuvre elle-même. T'sais, y a pas elle a été écrite en anglais, donc t'as le droit de l'acheter en anglais. C'est ça. Puis même là, t'as le droit d'acheter une traduction anglaise parce que ça fait partie de l'œuvre en soi. Okay. C'est un peu ça la logique, mais on peut le faire quand même. Les films, même affaire. La loi stipule qu'il faut que la traduction soit disponible sur le DVD. D'ailleurs, là encore, c'est une chose qui va être à moderniser parce que le monde se procure-tu vraiment encore des films sous format physique? Je pense pas. Netflix, là encore, ben, c'est un bel exemple de tu peux très bien tout écouter en anglais dessus si tu veux. D'ailleurs, le contenu francophone n'est pas fantastique. Et bon, on le sait, c'est déréglementé au bout. Ça va-tu être ça l'avenir? Juste simplement. Excuse-moi, moi, la différence entre déréglementé, pour moi, déréglementé, ça veut dire que tu leur enlèves la réglementation. Ça, c'est juste pas réglementé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, être un peu comme Netflix, c'est suivre en déréglementant pour tomber un peu dans le même contexte que les services, ouais, de streaming. Où on va-tu plus réglementer les services de streaming? En tout cas, ça regarde pas pour ça. Non. Les jeux vidéo, un autre exemple. Un peu comme les films, faut que la version française soit disponible, mais si tu veux te procurer la version anglaise, tu peux aussi. Mm-hmm. Des fois, ils viennent dans le même jeu. Ça, c'est un peu encore le Far West, mais bon. L'idée que je veux ressortir un peu de ça, bon, c'est que il y a quand même des arguments pour dire on peut légiférer ça plus lousse, en fait, plus donner un peu plus de marge aux compagnies de décider si elles veulent traduire ou non. La seule affaire, c'est que dans ces cas-là, si t'as pas un contexte légal qui te pousse un peu à certaines choses, ben du jour au lendemain, il n'y aura plus aucune compagnie qui va faire quoi que ce soit. Ouais. C'est ça qui est le trouble, c'est que oui, ça reste qu'on a un poids démographique pas si élevé que ça en Amérique du Nord, les Québécois. Je pense qu'une chose qu'on pourrait faire, ça serait se liguer avec le Mexique. C'est drôle, j'allais justement amener ce point-là. Les produits sont tout le temps traduits en espagnol, tout le temps. C'est comme la base, t'as pas le choix. T'sais. C'est sûr que le Mexique est plus populeux que le Québec, mais on pourrait quand même faire un peu une alliance des minorités linguistiques d'Amérique du Nord, c'est-à-dire toutes les non-anglophones, en fait. Donc, toutes les mettre sur les emballages. Les francophones. Puis oui, peut-être toutes les mettre sur l'emballage. Puis ça impliquerait peut-être aussi qu'étant donné la quantité, entre autres, d'immigrants d'origine chinoise qu'on a au Canada, peut-être que oui, effectivement, maintenant, on verrait que nos emballages seraient en anglais, en français, en espagnol, pas en mandarin. Oui, alors qu'en Europe, ça va être bon l'allemand, puis d'autres. Tu t'adaptes au marché. C'est ça, parce qu'à maintenant, il y a une affaire de... On n'assume pas tellement nos minorités linguistiques au Canada. Mm-hmm. Puis en fait, en Amérique du Nord en général... T'sais, on a gardé les langues de nos ceux qui ont peuplé à l'origine, puis c'est à peu près ça, alors qu'il y a une diversité plus grande. Bon, là, il y a toute une affaire de contexte politique, contexte historique, ainsi de suite. Ça, je veux vraiment pas embarquer là-dedans, mais bon. Puis là, ben, on va en venir un peu. T'sais, là, j'ai parlé de la philosophie générale de le pourquoi on a fait la loi, ensuite le comment, qui est le plus gros problème à mon avis, parce que t'sais, c'est moi-même, je suis pas encore sûr de la question, parce que oui, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes que c'est pas nécessaire que ces problèmes-là soient créés, qui sont à cause de la vétusteté, mais je suis pas sûr que ça se dit, de la loi. La loi date pas mal. L'Antiquité. C'est reconnu, en fait. Ça, d'ailleurs, pour la défense finale un peu du comment, puis ainsi de suite, bon, c'est un peu dans mon sujet d'étude. Bon, j'ai resserré un peu mon sujet de maîtrise, mais à l'origine, je traitais beaucoup de la loi 101 dans mon premier projet de maîtrise. Puis, pour avoir lu sur le sujet, les plus grands défenseurs de la loi 101 du Québec, de la Charte de la langue française, c'est des politologues ontariens, des politologues anglais d'Angleterre. En fait, dans le monde, dans le domaine de la philopolitique, de la gestion des minorités, du multiculturalisme, parce que oui, la loi 101, c'est une loi du multiculturalisme, en guillemets. Hein? Multiculturalisme, c'est la gestion du fait de la différence, des différences culturelles à l'intérieur de la même société. Ben, n'en déplaise à certains péquistes qui ont appris à Vaderetro multiculturalisme, là, c'est quasiment la même affaire que Vaderetro Satana. généralement le problème que ces gens-là ont, c'est pas avec le multiculturalisme, c'est un peu comme de dire « Ah, je suis contre l'économie. » Tu sais, tu peux pas être contre l'économie. Non, tu peux être contre des politiques économiques, mais l'économie, c'est comme une chose. Un concept. Tu sais, c'est comme « Je suis contre l'oxygène. » Non, c'est pas de même, ça marche. Tu peux être contre le trudeauisme, par contre, ou le multiculturalisme canadien, qui est une branche du multiculturalisme, qui est une forme de multiculturalisme, qui a ses problèmes. La loi 101 était un peu pied de nez, d'ailleurs, au trudeauisme à l'origine. C'était vraiment un beau middle finger au papa de Justin. Non. À pète, comme on aime l'appeler dans les milieux souverainistes. Donc, et dans les milieux aéronautiques, apparemment. Ah oui? Ben, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, tout le monde l'appelle l'aéroport PET, le PET. C'est son nom de code, quoi. Ouais. Ben non, en fait, c'est Yule quand même. Yule, oui. Ouais. Mais, bref, où est-ce que j'allais en venir avec ça? J'ai complètement perdu le fil. Tu peux être, faut que tu sois spécifique sur ce que t'aimes pas. Oui, c'est ça. Bon, il y a des problèmes avec ce qu'on aime pas, mais ce que j'allais dire, en fait, c'est ça, c'est que c'est reconnu comme étant un bel exemple de loi bien faite qui reste à l'intérieur du cadre moral de la politique occidentale, démocratique, libérale, ainsi de suite. Ça respecte les droits de tout le monde et ça atteint son but. Quel est son but? Qu'il y ait encore du monde qui parle français au Québec et que le fait français en Amérique, c'est-à-dire l'existence du français dans la minorité dans le territoire québécois, c'est ce qu'on appelle le fait français en Amérique, autant en sociologie, en sciences politiques, en philopolitique, name it, là, en histoire. Name it. D'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que je fais énormément d'anglicisme depuis tantôt. C'est simplement parce que je suis embarqué sur ma cassette de quand je traite de mon sujet de maîtrise, puis ben les textes sont tous en anglais, malheureusement. C'est ça, faire une maîtrise, hein. Toute la langue de la science, c'est l'anglais présent. Bref, à partir de maintenant, je vais essayer de me restreindre à un meilleur langage. Je vais te reprendre quand même si de la charte de la langue française. Ouais. Bon, fait que ça donne-tu vraiment quelque chose? Fait que c'est donc. En bon québécois. Donc, j'arrête. Donnait-ce réellement quelque chose? Oui. La charte de la langue française remplit-elle son office? J'ai l'impression... On a le goût de dire oui. Que oui, ouais, c'est ça. De un, on parle encore français, toi puis moi, aujourd'hui. Et on le voit déjà dans l'affichage, les magasins ont tout le temps c'est un petit sous-titre. L'affichage de francophone, bon. L'affichage, là encore, c'est un autre sujet à discuter. Mm-hmm. Ça fait partie du comment qui n'est pas réglé puis qui ne sera probablement jamais, en fait, il faut que ça évolue avec le temps. Mais on parle encore français au Québec. Ouais. La majorité au Québec parle encore français. Mm-hmm. Adapt, bon, dans les grandes lignes, on est content. Qui plus est, on se fait souvent dire, en fait, ah oui, le français est en recul au Québec, par contre, puis ça, c'est inquiétant. En fait, puis ça, le magnifique Michel C.O.G., je l'adore, c'est un journaliste qui fait Midi Info présentement à la première chaîne de Radio-Canada. On va faire de la pub pour d'autres postes de radio. Ben oui, c'est pas comme si on avait l'émission du midi pareil. Hein? Ben non, c'est ça. Ouais. Hein? Michel C.O.G., excellent journaliste. On pourrait dire que c'est l'archétype du journaliste. Extrêmement bon en entrevue, extrêmement fin dans ses analyses et... Rien n'est laissé au hasard dans sa documentation. Ah ouais. Excellent dans ses recherches. Pèse ses mots. Et... vient de publier un livre. Mm-hmm. J'en ai un peu parlé à la sortie de Secours, en fait. On fait pas de plug pour cette émission-là. Ben non, c'est ça, c'est plate, c'est fini. Page Facebook. Disponible en balado diffusion. C'est ça. C'est ça, Michel C.O.G. qui nous... en fait, qui a publié un livre, Les 25 mythes à... j'aurais dû noter le nom de son livre. Hein? Je te mets là-dessus, Mathieu, trouve-moi le nom de son livre. J'y vais. Qui est... c'est ça. En fait, pour faire la promotion de son livre, ben un des mythes qu'il a discuté, parce qu'en fait, puis l'une des raisons, c'est qu'il voulait mettre ça dans l'espace public, très clairement, c'est 25 mythes à déboulonner en politique québécoise. 25,95 chez Renaud Bré. Bon, OK. 24,95 chez Renaud Bré. Renaud-Bré.com. En vente dans toutes les bonnes librairies. Encouragez donc Poirier, d'ailleurs. Livraison gratuite pour tout achat de 39$ et plus. Encouragez donc votre librairie locale. Ben oui, allez donc chez Lexèdre, hein? Ouais, c'est ça, ou Poirier, ou n'importe qui. Quoique Poirier, ils sont plus tellement indépendants, techniquement. En tout cas, on s'entend comme grand boss, la société Saint-Jean-Baptiste, il y a plus malfaisant que ça. Non, bon. Sauf si vous êtes musulmane, ça, c'est un autre Bam! Donc, c'est ça, qui en fait... il démontre, avec des chiffres évidemment, que en fait le Québec est en avance au Québec. Le Québec est en avance au Québec. Le français est en avance au Québec. Oui. Excusez-moi, mon deuxième café pas encore pris. Il prend un allongé, ça va aller le, mieux. Le français est en... en fait, non, le français progresse au Québec. Il y a de plus en plus de gens qui parlent français au Québec. Mm-hmm. Et là, la nuance est importante. Parce que les chiffres qu'on voit, le chiffre qui diminue, celui que le PQ, le Bloc québécois, martèle ad nauseam pour nous faire accroire que le français recule au Québec, c'est le seul chiffre qui recule, en fait. C'est le français comme langue maternelle. Okay. La langue, la première langue que t'apprends. C'est pas parce c'est que tu l'as pas appris en premier, maternelle. Tu l'as pas appris par après. C'est ça. C'est ça. Donc, ce chiffre-là, effectivement, il est à reculer parce que il y a plus d'immigration que depuis que avant. Même si une bonne partie de l'immigration parle français, c'est pas toujours leur langue maternelle. Je vais donner un exemple. On a beaucoup d'immigration maghrébine au Québec. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui parlent français, parce que c'est des anciennes colonies françaises, mais qui ont aussi l'arabe, par contre, comme langue maternelle parfois, et ainsi de suite. Et là, tu peux pas faire deux choix sur ta feuille, il faut que tu coches la première que tu as appris, j'imagine. C'est ça, ils ont souvent appris les deux. Ouais. Déjà, c'est des genres de bilingues natifs, mais ils vont pas toujours écrire le français comme langue maternelle, et ainsi de suite. Puis des fois, c'est quand même vrai, peut-être qu'ils vivent quand même plus, mettons, comme à la maison. Ils parlent peut-être plus arabe ou ils se parlent un peu dans les deux langues, mais ils pensent en arabe plus, mettons, ou quelque chose comme ça. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Mais ils parlent français aussi bien que toi et moi. Ils sont parfaitement capables. Ils vivent 80% de leur vie en arabe. Justement, pas en arabe, en français, et ainsi de suite. Fait que c'est un chiffre qui, en fait, est un peu menteur, qui a une explication... Et qui fait l'affaire de certaines personnes, en fait. Ça fait de l'alarmisme. C'est un peu paresseux. C'est ça. Par contre, tu prends toutes les autres statistiques par rapport à la langue française. Les gens qui sont capables de tenir une conversation en français, les gens qui travaillent en français, les gens qui parlent le français à la maison, c'est en progression. Ça augmente. On parle de dixième de pourcent par année, mais c'est quand même une progression constante. Depuis que la loi 101 a été promulguée. Donc, on est gagnant. Ouais. La loi 101 remplit son office. Bref, je pense que... Puis, il y a une fois de temps en temps un appel à « Oh, faut s'ouvrir sur le monde. » Faut aussi, oui, pour s'ouvrir sur le monde, faut avoir une bonne base en même temps. Faut savoir de où on vient. Puis, tu sais, juste un exemple, quiconque a appris une autre langue le sait. À un moment donné, il faut que tu fasses des références à ta langue maternelle parce que c'est ta langue de base, c'est la langue qui structure ta pensée. La langue maternelle, c'est pas anodin. C'est la langue qui structure ta pensée. Le cerveau de quelqu'un qui est francophone n'est pas le même que le cerveau de quelqu'un qui est anglophone, Tu vois quand t'écoutes Céline Dion en entrevue. Bon. How do you say dans ma tête? Elle fait ça des fois en entrevue. Ouais, c'est ça, mais ça reste que, bon, elle n'est pas très bonne dans le bilinguisme. Non, en français, dans ta tête, pareil, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Ouais. Mais ça reste que la langue française, c'est pas la langue maternelle, c'est pas anodin. Puis, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est un bon résumé, ben ouais. Ma chronique est faite. Hein? C'est bon ça, pareil? Ah ouais, donc. Dernière chronique de feu. Ben ouais. Hein? Elle finit un peu sur une queue de poisson, mais... Bloup, bloup. Bloup, bloup. C'est ça. C'est ça. Hein? Arrête là, puis il fait un malaise. Loi 101. Ben ouais, loi 101. Pis c'était très pas casqué, en fait, comme chronique. Ouais. Je l'ai préparé, on s'entend, je l'ai préparé pendant que l'intro jouait au début de l'émission. En s'en venant, ce matin, il m'a dit « J'ai pas préparé de chronique. » Puis là, l'intro a commencé, puis ouais, j'ai une chronique. Okay. C'est ça. Cool. Ben, tu vois, ça a donné ça, puis c'était bon. Fait que, on va en reprendre, un jour. Un jour, peut-être. Merci, Sébastien Guertin. Ben, merci à toi. Pour tes années de bulletin Guertin. Ben oui. Et de la belle-mère, et de peu importe ce que tu as fait avant. La belle-mère, c'était ma chronique dans le journal. En fait, c'est ce qui a fait que je me suis mis à faire mes chroniques et à l'Assemblage requis. C'est grâce à Stéphanie Paradis aussi. Aussi, c'est vrai. Aussi. C'est grâce à, étonnamment, Michael Magny, revenant. Mais c'est lui qui m'avait. Poussé dans le derrière pour que j'aille mener mon CV à Stéphanie qui m'avait engagé aux ondes campus dans le temps. OK. Et donc, c'est par la faute aussi de quelqu'un qui a dit à Michael Magny d'aller dans la GEQTR. Et après ça, c'est. Tu sais, tu peux reculer à loin. Ouais, tu peux reculer loin. Les chaînes de causalité. Jusqu'à arriver au premier moteur aristotélicien. Qui est la cause motrice et la cause effective de toute chose. Wow! J'y crois plus qu'à Dieu. Beaucoup de monde qui disent que c'est Dieu techniquement, là, mais bon. On en reparlerait avec Jimmy tantôt, on va voir ce qu'il va avoir à dire là-dessus. J'ai comme le feeling qu'il n'est pas un gros fan d'Aristote, le tabarouette. Ah, le tabarouette. Justement, tantôt, Jimmy Thibodeau va être là à 9h et pour la première fois, va pouvoir affronter son arc. On va avoir du plaisir. Sébastien Viardin, tantôt. Ça va être plaisant. Avant ça, on aura Dominique Nodemabungu tantôt à 8h30 pour Voix d'Afrique. Mais pour l'instant, on prend une pause et on revient dans quelques minutes à Assemblage requis. Restez là. Aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Avec Round Us. Tantôt, avant le bulletin Gartin, si vous étiez avec nous, je vous le rappelle, on y retourne en fait. On retourne à Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais ça ne devrait pas, on l'a, où on s'achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Et comme je disais en début d'émission, on vide l'arrière-boutique pour essayer de tasser le plus de produits possible de notre grand magasin. Et on commence avec des gants qui sont résistants aux couteaux et à peu près tout, en fait, parce que c'est fait en genre de cotte de maille. Mais ça fait longtemps que ça existe, en fait. Moi, je connaissais pas ça, c'est des No-Cry Cut Resistant Gloves. 1500 ans. Mais 1500 ans, ouais, OK. La cotte de maille a été inventée, ça fait un bout de temps. Mais est-ce qu'ils sont... calibre culinaire, grade alimentaire. Non, c'est ça. Ah, mais, c'est ça l'affaire. En fait, c'est quand même pas si nouveau, là, à base. Puis, pour protéger tes mains très délicates, Sébastien, il y a des couteaux quand tu fais du fromage, des mandolines, peu importe. Et puis, c'est quatre fois plus fort que le cuir, nous dit-on. C'est construit très, très léger. C'est fait de polyéthylène, de poids moléculaire, ultra élevé, super mince, peu importe. Fibre de verre, de spandex, ça va à la laveuse et c'est fait en 5 grandeurs. Donc, OK, ça existait, mais pas avec autant d'options. Non, c'est peut-être plus ça. C'est peut-être plus ça, les no-cry cut-resistant gloves. D'ailleurs, en théorie, tu sais, les commis dans les épiceries là, qui coupent, qui tranchent les viandes froides pour nous, là, en théorie, ils devraient en porter un quand ils font ça. Probablement, parce que sérieux, je veux dire, tu peux te choper à la main facilement avec ça. C'est même pas protégé, je veux dire, la lame est visible. Ben, je veux dire, ma conjointe, il fut un temps, eu comme job étudiante, d'être exactement ça, là, la fille de Slicer dans un métro. Puis, assez coupé un doigt, assez comme faux. Là, elle a encore des cicatrices qui le prouvent. En fait, elle a failli perdre une partie de son doigt parce que c'est le boss avait un peu dormi au gaz sur la question. Tania m'a raconté une histoire similaire. En fait, elle m'a dit, et je sais pas si c'est parce qu'elle s'en rappelle pas elle-même, là, mais qu'elle a perdu un bout de son doigt quand elle était jeune, puis ça a été remplacé par le doigt de quelqu'un d'autre. Genre sur un cadavre. Fait qu'elle a pas autant de sensations sur un de ses doigts. Avoue que c'est fou comme histoire. Ben ouais, effectivement. Ouais. Ben comme Lucas, mon collègue de feu de la sortie de secours est à votre gauche. Lui-même était en fait travaillait dans un. C'était dans un Harvey's qui travaillait quand il était plus jeune, quand il était au cégep. Ouais. Puis c'est ça, en coupant du stock, il s'est chopé là, les bouts de deux doigts, si je me rappelle bien, un truc comme ça. En fait, de toute la main. Et c'est comme ça qu'ils ont créé les cornichons panés. Mais en fait, c'est que ça a été recollé, mais depuis ce temps-là, en fait, il y avait beaucoup plus de difficultés parce que c'est un guitariste à la base. En fait, c'est un bassiste, Nico. Ah. Mais ouais, il a été longtemps à avoir beaucoup plus de difficultés. En fait, il peut plus jouer de piano à cause de ça parce qu'il y a plus assez de sensibilité dans les doigts pour gager parce que le piano, tu sais, il y a une pression qu'il faut contrôler. Il n'est plus capable de jouer de piano quasiment à cause de ça depuis. Puis ça y a pris beaucoup de temps. Il a fallu qu'il réapprenne la bass et la guitare à cause de ça parce qu'il était plus habitué, il avait perdu la dextérité. Puis la sensation aussi. Là encore, tu as une pression assez précise à mettre sur un manche de guitare pour tenir tes cordes comme fou. Pauvre gars. Bref. Hey, j'ai eu un message de Tania pendant qu'on parlait. Elle dit c'est vrai! Et en plus, elle dit je vous écoute. Puis là, je fais comme moi. Ben, j'imagine que tu nous écoutes, sinon ça serait comme. J'ai posté sur mon Facebook que j'étais à l'émission, puis j'ai vu qu'elle vient de voir qu'elle a liké. Ah, it's fine, hein? Juste avant d'aller travailler. Et... Hey! Alors, on continue avec un haut-parleur Bluetooth qu'on peut porter sur soi-même, un peu comme un micro-cravate ou comme un pagette dans le temps, quelque chose comme ça. C'est un haut-parleur que tu branches sur ton T-shirt si tu veux déranger les gens encore plus qu'avec un haut-parleur normal. Et c'est disponible en pleine couleur. C'est le Boom Bit Bluetooth Speaker de la compagnie Polk Audio qui existe depuis des décennies apparemment. Polk Audio, en fait, c'est une très, très bonne... ils font des systèmes de son pour la maison haut de gamme, en fait. Ouais. Si vous voulez un système de son haute qualité, Polk, c'est une bonne marque pour ça. Ah. Avec un vrai système de son, là, que t'achètes l'ampli, puis t'achètes les haut-parleurs après. Puis... Mais ils ont réussi à faire comme un produit moins cher parce que ça coûte seulement 30$ sur Amazon. Disponible en 5 couleurs différentes, on peut clipper ça n'importe où. Et il y a même un capuchon qui révèle un connecteur USB pour charger ton haut-parleur directement sur ton ordinateur. Pour avoir un petit haut-parleur, à la place d'avoir là, une boombox ou un pill de je sais pas trop, Dr. Dre, là. Qui est difficile à transporter. Ça, c'est tout petit, puis apparemment que ça sonne quand même. Tu parles-tu de celui qui a l'espèce de tige, mettons, flexible? Il s'appelle comment exactement? Il s'appelle Boom Bluetooth Speaker de Polk Audio. Ça ressemble vraiment à un pagette. Ah, OK, ouais, je vois lequel. USB, ouais. Non, parce qu'en fait, ça fait un bouton aussi qu'ils font... Il y en a un qui a l'air un spermatozoïde, un peu, qui a une tige flexible qu'on peut... Un peu comme un bonhomme Gumby. Pour l'attacher après quelque chose, un poteau. C'est ça, mais ça peut faire un pied en même temps pour ça. Ah, il était chouette, celui-là. On l'avait dans le magasin électronique que je ne nommerai pas auquel je travaille. Déformation professionnelle. Ouais, il était chouette, en fait, celui-là, puis il sonnait vraiment bien pour la grosseur. Ouais, ben, c'est pas au audio, tu l'as dit, qualité, donc. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est encore drôle. Parce que toutes les compagnies font du bas de gamme, même si c'est haut de gamme. Là. Ah non, mais c'est encore drôle. Essayez les. Tu sais, il y a. C'est Harman Kardon qui font des. Qui est encore une super de bonne compagnie de système de son. Pour des haut-parleurs d'ordinateurs portables de merde, c'est ça? Non, ça n'a pas rapport. En fait, des haut-parleurs d'ordinateurs portables, c'est jamais fantastique. C'est ça n'a pas la possibilité de l'être. Mais ils ont deux compagnies, eux autres. Ils ont JBL puis Harman Kardon. JBL, c'est supposé être la marque de jeunes. Puis ceux vraiment badgés, Harman Kardon, c'est supposé être ceux pour adultes. Okay. Fait que meilleure qualité sonore puis tout. Puis ils sonnent mal. Oh non! C'est effrayant. Les JBL, à moitié du prix, sonnent mieux. Ah, sachez-le, Colin, c'est dans mes plates. En tout cas, ça, c'est mon review personnel. Il y a du monde qui trouve que les JBL sonnent cacane aussi, mais en tout cas, moi, je suis pas... Je trouve que c'est parmi ceux présentement pour rapport qualité-prix qui valent le plus la peine. Bref, on digresse. Et c'est du plus standard. Fait que ça. Ça existe, mais ça devrait pas. Continue, Mathieu. Et toi, tu t'es un fanatique d'électronique parce que tu travailles là-dedans, mais t'es aussi un fanatique de café. Oui. Donc, tu vas pouvoir aussi apprécier le prochain, qui est la Mighty Mug, une tasse qui utilise de la magie pour empêcher les dégâts. Hein, ça t'arrive des fois d'échapper ta tasse, ta belle petite tasse? Jamais. Jamais arrivé, moi non plus. Entre guillemets, mettons, clin d'œil, clin d'œil. Donc les Mighty Mugs, c'est une collection de... gaspiller du café, c'est juste un... Faut pas. Un sacrilège. Sérieux, hey, non mais tu sais. Ça puis de la tire d'érable, j'ai mangé de la tire d'érable en fin de semaine, j'ai échappé une motte à terre. Je le regrettais. Honte à toi. Honte à moi. Honte Bref, à toi. Ça empêche les dégâts, hein, ça ne va pas tomber. C'est simple, c'est la technologie Smart Grip qui crée un saut contre les surfaces planes. Donc même si tu frappes dessus, ça va tenir pas comme une ventouse, mais presque. Donc le Mighty Mugs, c'est disponible en stainless steel, acier inoxydable pour des tasses de voyage. Il y a des tumblers en plastique et même des verres à bière et à vin. Ça commence à 17$ US sur le site themightymug.com. Ensuite, continuons avec ceux qui aiment le sadomasochisme, le BDSM comme on l'appelle, hein Sébastien, le BDSM. Le BDSM, oui. BDSM. Mais si t'es vegan, c'est pas hot pour toi, ça. Parce que du cuir, c'est pas vegan. Ben, Colin. Je t'apprends quelque chose. Donc, voici pour les fétichistes la ligne de gadgets BDSM 100% vegan. Tellement responsable. C'est Bijoux and Discrates. C'est un revendeur de jouets sexuels espagnol qui a récemment lancé Maze, une collection d'accessoires de bondage, là, comme on l'appelle, 100% vegan et fait pour les femmes par les femmes. Style. Donc la collection en 12 morceaux, c'est fait pour fonctionner avec de la lingerie fine, hein, et c'est fait pour fonctionner aussi avec vos jeans et votre t-shirt habituel. C'est fait de polyuréthane, qui est un polymère recyclable qui ressemble et qui a le même feeling que du cuir sans avoir à sacrifier des animaux. C'est composé de plein de métaux non lourds, donc légers, et de composants qu'on peut ajuster pour différents types corporels, et c'est disponible en noir et en couleur genre, comment dire, pêche. Certains diraient couleur de personnes qui sont blanches, comme on l'appelle. Bref, vous pouvez aller voir les détails sur assemblagerequis.com dans l'article. Ensuite, continuons avec le premier spray à selfie anti-lumière bleue. On a parlé de lumière bleue tantôt, c'était spécial. On peut être sceptique avec ce gadget-là. Donc, c'est FG Cosmetics qui lance le premier spray selfie anti-lumière bleue. Une idée française fabriquée en Provence. L'exposition aux écrans qui stimule les mélanocytes, provoquant l'apparition de taches brunes. Le stress oxydatif auquel est soumis la peau peut également engendrer un teint brouillé, des rougeurs et l'apparition de rides. En revanche, donc, on dit que le spray à selfie ici va faire le contraire. Ça va être disponible c'est disponible maintenant sur Internet pour 30€. Et je te lis la description. Vaporisez la lotion par une pression sur le spray en direction de votre visage, les yeux fermés et les bras tendus. Un fin film se déposera et sera absorbé rapidement par la peau. Et à répéter à chaque selfie, chaque achat sur Internet ou même au travail devant l'écran. Pas sûr. Continuons avec Samsung qui invente le smartphone qui ne se connecte pas à Internet. As-tu vu ça? Non. As-tu vu ça? C'est le Galaxy J2 Pro. Donc on lance un smartphone qui ne proposera pas de connexion à Internet. Ça concerne les étudiants et les seniors, mais pour des raisons évidemment différentes. On entend souvent parler de l'intrusion du smartphone dans la vie des écoliers et des étudiants, notamment pour les réseaux sociaux. Donc Samsung propose un produit qui pourrait convenir à ceux qui ne veulent pas être perturbés par le web lors de leurs différents enseignements. Et pour l'autre public, les gens qui veulent, en fait c'est ça, c'est pour les gens qui veulent se désintoxiquer d'Internet et ceux qui en ont juste rien à faire avec Internet, les personnes âgées. C'est un écran de 5 pouces QHD Super AMOLED, 1,4 GHz et 1,5 GB de RAM pour ce Galaxy J2 Pro. Aux élèves qui veulent éviter les distractions et autres, ça pourrait être pratique. Ensuite, c'est en fait même c'est même jusqu'à un certain point, tu sais, un des défauts d'Android, c'est la sécurité, en fait. Ouais. C'est reconnu quand t'es dans une position d'autorité. Mettons, le président des États-Unis, il faudrait que t'ailles un iPhone, en fait, parce que c'est vrai qu'ils sont plus sécuritaires à la base. Ils viennent de régler le problème. En fait, il est pas connecté à Internet. Fait que c'est pas mal plus dur de le hacker. Hein? Pas mal, oui. C'est vrai. C'est un bon point. J'imagine. Bon point. Ensuite, ceux qui jouent à des jeux de rôle et qui aimeraient ajouter de l'odeur à leur jeu, c'est Adventure Sense qui ajoute de vraies odeurs à votre prochaine session de jeu de rôle. Oh, Donjons et Dragons, non, etc. Non, je suis pas d'accord. Non, t'aimerais pas ça. Vraiment pas d'accord. T'aimerais pas ça que ça sorte les rues de la ville, c'est les streets. La cave d'un dragon. Le champ de bataille. Ah, le horse stables, la place où tu mets les chevaux, là, comment on appelle ça? Étable à chevaux. Étable. Bateau pirate. Étable à chevaux, c'est ça que t'as dit? Étable à chevaux, j'ai juste prononcé rapidement. Bateau de pirate, feu de camp et plusieurs autres disponibles pour 5$ US par pot sur adventuresense.com. Ensuite, quand tu brasses tes cocktails, est-ce que tu fais des cocktails? Est-ce que tu es un mixologue amateur? Non, vraiment pas. Ben, tu pourrais, Colin, y aller avec des super maracas pour y aller avec ton shaker maracas. Ah, ben, mose. Comment ça s'appelle, ça? Maraca Cocktail Shakers. C'est parfait pour les musiciens amateurs, les mixologues amateurs. On mélange ça avec les ingrédients que l'on veut. La poignée est en bois et le maracas, le bout en tant que tel, est en acier inoxydable, tout ce qu'il y a de plus traditionnel pour avoir un petit peu plus de beat dans vos shakages de cocktail. Mais ça fait-tu le bruit? Ben avec la glace, ouais. Ouais, j'imagine. Ouais. Un peu, si on veut. Mais ça doit pas être tout à fait le même son quand même. Ça ressemble aussi un petit peu à des bouches toilettes, là, mais bon. Ou à une autre affaire. La fille a l'air vraiment heureuse, sa photo, en tout cas. Ouais, avec la position de sa main comme ça, c'est vraiment parfait. Ouais, ouais. Ensuite, on va chez les animaux de compagnie, chez les chats, en fait. Tu sais, pourquoi est-ce que votre chat n'aurait pas droit à son propre yogourt en tube? Je sais pas, parce que les chats mangent pas de yogourt à base. Probablement. C'est peut-être le... En tout cas... Mais c'est pas vraiment... c'est des squeeze pops. J'ai dit yogourt en tube parce que c'est comme ça qu'on appelle ça d'habitude en français. Mais c'est à des saveurs différentes comme le poulet et le thon. C'est des squeeze pops qui ressemblent à des yogourts de en tube. Mais c'est incroyablement facile de nourrir votre chat comme ça sur la route. Quand vous l'amenez en camping, je sais pas où est-ce que t'amènes ton chat dans la vie. Tu sais, il est dans la maison ou il est dehors à la maison? Nulle part, parce que j'ai pas d'animal du diable chez nous. Mais tu pourrais le nourrir avec ça. Je suis très allergique, fait que... Ouais, ben tu sais, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire, malgré les allergies. Pas moi. Non. Voilà, ça va être tout pour cette chronique de gadgets. Je pense qu'on a assez fait pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Assemblagerequis.com, note de l'émission numéro 1240, si vous voulez les liens de ça existe, ça devrait répondre là. On est rendu à une pause et au retour, ce sera Dominique Note, Mavungu et Voix d'Afrique. Restez là. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mushroom Cloud par Uni à Assemblage Requis, toujours à cette émission du matin en pièces détachées avec Sébastien Guertin qui remplace Tania Baudin aujourd'hui. Salut! Et maintenant, c'est Voix d'Afrique avec Dominique Nutmavungu. Salut Mathieu. Pour une dernière fois, je te présente Sébastien Guertin. Ah, enchanté. Sébastien Guertin. Enchanté. Donc lui aussi, l'ultime chronique de Voix d'Afrique. Et on ça. Parle de plein de projets, de choses africaines qui se passent exact, en ce moment. Exact, exact. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va parler un peu de plusieurs sujets déjà. Donc avant, faut dire qu'aujourd'hui, en fait, là, on n'a pas de guest. Non, on n'a pas un guest, mais on a des milliers de guests en fait. Des milliers où ça? Ben qui nous regardent en fait en direct sur Mboka, sur le Snapchat communautaire du Congo, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Ils sont cachés, attends un peu, je vais aller les voir. Ils sont là. Ah, c'est... Donc on a des milliers de personnes qui nous regardent en ce moment et tout. Des donc, milliers, on... là, c'est vraiment. Ouais, non, c'est vraiment des milliers de personnes qui regardent. Donc du coup l'émission l'a fait en direct. Donc on a il y aura pas assez de place pour tous les mettre dans le studio. Donc on a préféré les garder derrière l'écran et tout. Le studio est douillet là, mais tu sais, à un moment donné, faut pas ambitionner. On a un divan, il y a trois personnes qui arrivent là-dessus. Ouais, donc mettons quatre en serre. Peut-être quatre. Hein. Dépend de leur taille, mais ça. Donc c'est ça. Donc ok, on va commencer déjà par l'Afrique du Sud déjà. Par un fait divers. Okay. Donc là-bas, il y a une église qu'on appelle Gaboula. C'est une église qui vous baptise avec votre alcool préféré. Oh! Donc ok. Donc dans le local en fait qui accueille les fidèles. Donc il n'y a rien de conventionnel en fait dans cette église. Donc le culte il est tenu dans un bar, mm-hmm. en fait dans un township, donc c'est-à-dire une banlieue et tout. Donc fièrement dressé, genre il y a des bouteilles de liqueur et de bière sur la table de billard en fait. Et en fait c'est la table de billard qui sert d'hôtel. Wow. Donc là-bas on vous baptise avec votre alcool. Et puis en fait Gaboula ça signifie boire. Donc en Tswana qui est une des langues officielles en Afrique du Sud. Et puis donc c'est justement par ces boissons en fait que sont baptisés en fait les fidèles. Est-ce qu'il faut que tu annonces comme au billard, je vais mettre la tête du bébé dans le coin gauche de la table? Non, hein. Non, en fait je pense pas. Puis quand c'est la tête d'un enfant blanc, mais elle revient puis tu le recommences à cette fois, c'est ça. Alors, je m'emporte, hein. Ça n'a pas d'allure. Vraiment. Attends un peu, il va dire « en tout cas ». En tout cas. En tout cas. Sa catchphrase à Dominique, c'est « en tout cas ». Donc, en tout cas. Voilà, donc, bon, bref. Voilà, je ne vais pas dire « en tout cas » encore parce que ça fait un peu trop. Mais, moi, ça me fait. Donc, c'est ça, moi, en tout cas, ce que moi, j'ai pensé de ça. J'ai trouvé ça spécial, en tout cas. Ben oui. Et, bon, j'ai encore dit « en tout cas ». Ouais. Hein. Mais, une fois que je te l'ai dit, tu ne peux pas le... en fait, t'empêcher de le remarquer. Mais non, c'est spécial parce qu'en tant que tel, tu mélanges la religion avec un vice. Bon, c'est ce que la plupart des personnes, en fait, des églises conventionnelles en Afrique du Sud condamnent, mm-hmm. ce fait-là. Mais le propriétaire en fait de cette église qui s'appelle Patrick Scholl, qui est le président de cette union, lui il espère pouvoir convaincre les autorités sud-africaines, mm-hmm. genre de reconnaître en fait son église au même titre que les autres. Parce que là, ça fait quand même 8 ans que l'église existe, mais elle n'est pas genre reconnue en fait. Ouais. comme une vraie église, parce qu'il y a encore beaucoup de débats là-dessus. Est-ce qu'il faut accepter que l'alcool soit autorisé? Est-ce que les gens boivent l'alcool après? Est-ce que le bébé doit cracher? Mais j'imagine que c'est quand les gens sont baptisés adultes. Puis d'ailleurs, j'ajouterais à ceux qui jugent cette église-là, mm-hmm. comme n'ayant pas de bon sens, que ceux qui n'ont jamais péché lui lancent la première bière. La première barbotte. Non. Excusez, okay. Je la gardais en dedans depuis deux minutes. Fait que... bon. Fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Je vais même la noter, tellement elle était bonne. Ouais. Ok, donc bon. En tout cas, moi personnellement, ce que je pense de cette église, je peux pas dire totalement que voilà, que je suis contre tout, mais après, c'est un peu étrange en fait. C'est la première fois que j'entends parler de ça par contre. Mais après, je sais pas si les fidèles ils se retrouvent dedans et puis qui. Parce que je pense qu'après, chacun est libre aussi d'avoir la religion qu'il souhaite avoir et puis de suivre. Si ça peut te convaincre de le faire baptiser. En plus, voilà, plus par une boisson que t'aimes. Mmh. Si c'est par la bière, bon, c'est tant pis. Parce que ce que les personnes aussi disaient, c'est parce que c'est bien vrai que les autres églises, y a pas, ils sont pas baptisés par les boissons alcoolisées et tout, mais c'est pas pour autant qu'il y a pas de vice là-bas aussi. C'est ça, c'est juste le prêtre qui a le droit de boire du vin, c'est ça? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Là. Non, bon, il en boit-tu du vin? Ben oui, il en boit du vin. Il en boit, ben c'est ça. Fait qu'à un moment donné, hein, c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Ben c'est ça, exactement, exactement. J'aimerais ça qu'on puisse le faire avec du café, mais ça risque d'être dangereux un peu. Ouais, ouais, ça risque d'être un peu dangereux avec du café. Et donc, on va passer à un autre sujet déjà, à Talent d'Afrique. Oui. Voilà, Talent d'Afrique, c'est un concours qui a lieu en fait à Québec tous les ans. Donc là, je parle un peu de ça chaque semaine. Et donc, cette année, ça sera le 19 mai du côté de l'Impérial Bell à Québec. Et puis, voilà, moi, j'y serai. Voilà, ouais. Et voilà. Pas avec un talent, dans le public, on l'a déjà dit. Ouais, dans le public, ouais. Non, pas avec un talent. Voilà. T'as des talents, mais. Ouais, j'ai des talents, mais voilà, mais là, c'est pas. Ça correspond pas trop au talent recherché là-bas parce que c'est okay. Plus, musique, humour. Et puis danse, moi je dirais ça tourne principalement autour de ces trois là. Mm-hmm. Donc on peut dire qu'en musique, je sais pas trop chanter. En danse, je sais pas trop danser. En tout cas, alors que là on va briger quoi. Et au niveau de l'humour, bon c'est moyen. Peut-être humour ça aurait pu passer, mais je pense pas que ça va passer. T'aimes l'humour malaisant comme le mien, hein, c'est ça. Donc voilà pourquoi j'ai pas. C'est mieux que je me présente pas. Je me suis pas présenté tout court. Mais je serai dans le public et tout, et puis... Encourager des amis, est-ce que t'as des amis? C'est ça, ouais, encourager des amis, un groupe de danse qu'on appelle Three Rivers. Ah, oui. Eux, ils sont à Trois-Rivières, et donc, voilà, moi, j'irai là-bas pour les encourager, et puis pour profiter aussi du spectacle, en fait, mm-hmm. Tout simplement. Donc c'est pas mal ça pour ce mot de Talent d'Afrique. Et puis les actualités sont disponibles sur leur Facebook Talent d'Afrique, sur leur Instagram Talent d'Afrique, sur quoi d'autre encore. En tout cas, tu tapes Talent d'Afrique, Vimeo, voilà, dès que tu tout est Talent d'Afrique. Donc dès que tu tapes Talent d'Afrique, tu vois. C'est bon d'avoir réservé leur nom parce qu'il y en a tellement des organisations comme ça qui ont un nom différent partout. Là au moins Talent d'Afrique, tu cherches pas. Ouais, c'est ça. Donc tu tapes Talent d'Afrique, tu vas les trouver sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, ensuite on va passer à ma découverte en fait mes découvertes de la semaine et tout. Donc là j'ai découvert il s'appelle Jean Sacré, il fait des podcasts. OK. Voilà, donc le vidéo audio? Non, en fait, c'est des podcasts audio en fait, ça s'appelait Jean-Jacques. Donc moi c'est une amie qui m'a fait connaître en fait le truc justement hier. Mm-hmm. Donc en fait Jean-Jacques c'est Jacques comme parler, tu vois. Oui, Jean oui, oui. Qui Jacques, oui. Tu vois. Ça. Donc jeu de mots. Voilà, donc un petit jeu de mots. Et puis moi j'ai écouté le podcast, en fait c'est des podcasts qui sont sur Balados, sur Apple et tout. Vous pouvez les écouter. En fait moi j'ai écouté, c'est gratuit. Donc t'as pas les acheter, c'est des capsules de 28 minutes à peu près. J'espère, ouais. Donc celle que j'avais écouté, il parlait de Nana Wax. Je pense que c'est une Ivoirienne aussi. Je pense que c'est une artiste. Elle fait des vêtements et tout. Ah. Une styliste à peu près. Et puis donc il l'avait invité dans le podcast. Et puis elle parlait un peu de comment elle a commencé. Et puis de ce qu'elle fait en fait. Donc c'était un peu comme des guests. Donc je pense qu'en fait à la plupart de ses émissions il a comme des guests. Donc en tout cas j'ai vraiment aimé déjà le podcast, et rien que pour le titre en fait. Oui, c'est ça. Rien que pour le titre. Moi aussi ça me convainc tout le temps. Voilà, franchement moi j'ai lu le titre Jean-Jacques, après j'étais déjà convaincu quoi. Ça aurait pu Jean-Jacques aussi. Voilà, c'est pas Jean-Jacques. En tout cas Jean-Jacques aussi ça aurait pu passer. Mais la production est bonne, ça sonne bien. Ouais, la production elle est bonne, et puis je crois son... Bon, après je peux te donner son Instagram, ça s'appelle Nyamakas, donc c'est G-N-A. M-A-K-A-S. Donc Nyamakas. Et c'est Jean Sacré. Donc s'il regarde la vidéo sur Snapchat, ouais. Et tout. Donc et des fois tu mets tes liens sur l'Instagram de Brigade 555, si on peut trouver ça. Exact, en fait. Des fois, mais en fait là en ce moment je mettais, parce que sur Instagram c'est genre comme une minute. Donc du coup les vidéos je mettais comme je fais toujours des capsules de comme, ouais. Une minute que je poste sur Instagram. Et puis je mets le lien en fait de SoundCloud et tout pour écouter. Mais genre de plus en plus j'essaie de comme mettre le maximum, genre mettons si je snap, j'essaie de faire le maximum de snap pour que les personnes puissent regarder le maximum en même temps comme live, au lieu de comme leur dire aller regarder ailleurs. Donc c'est mieux comme ils regardent ça live, donc, parce que c'est comme des remarques que des personnes m'ont dit, que genre ils préféraient comme être directement sur Snap, puis puis ils regardent tout en même temps, là ils ont pas à bouger. Ah, donc il faudrait être partout en même temps, mais... donc voilà, donc du coup là dans la film on juste principalement sur Snap, en fait, pour permettre à nos guests de pouvoir être en direct avec nous, en fait. Bon, là ils peuvent pas poser de questions, mais par contre après après ils pourront poser des questions et tout sur sur des sujets peut-être qui les ont intéressés et tout. Et puis voilà, donc moi je vais passer à un article, voilà, que en fait que moi-même j'ai écrit, que j'ai publié, qui s'appelle qui s'appelle Dans l'œil du masque. Et dans cet article principalement, en fait, je parlais des, tu sais, des nouveaux influenceurs africains, tu vois, des personnes qui, genre, principalement sur les réseaux sociaux, qui comme réinventent un peu, tu vois, en fait, avec la venue d'internet et puis des nouveaux réseaux sociaux, tout ça, il y a une nouvelle vague de, tu sais, d'artistes, tu vois, des, du web qui ils ont plus une visibilité, tu vois, une plateforme pour se faire connaître et tout. Donc, du coup, ils font... Ils sont assez créatifs. On voit de, tu sais, toutes sortes de pages, en fait. C'est plus facile de sortir et se faire remarquer. En même temps, c'est plus facile, mais c'est aussi plus difficile parce qu'il y a plus de monde qui essaie de se faire remarquer. Faut que tu sortes du lot. Ouais, c'est ça. Faut que tu sortes du lot, mais au moins t'as un moyen d'expression, ouais, tu vois. C'est ça. Au moins, tu sais, t'es pas obligé de passer comme par les médias conventionnels. Genre, faut forcément que tu connaisses quelqu'un à la télé ou genre à la radio, whatever, tu vois. Je veux dire, avec internet, même la radio, tu peux en faire de chez toi, des vidéos et tout, tu peux en faire de chez toi, tu vois. Donc en fait, l'article il traite un peu de ça, et puis voilà, j'ai parlé un peu de, tu sais, des personnes un peu qui, ouais, qui m'inspirent. En fait, l'article, je l'ai screenshoté sur ma page Instagram, oui, en fait. Ça. Donc du coup, pour les personnes, en fait, du Snap qui regardent, ouais, et tout. Puis, à la base, tu l'as écrit où? À la base, je l'avais écrit sur Facebook. Okay. En fait, j'ai écrit sur Facebook article. Après, je le screenshot et puis je le mets sur Instagram, ou je le mets sur. Bah, après là, je vais le mettre sur Snapchat pour permettre aux personnes de lire et tout. Et je parle des personnes, en fait, qui, moi, en fait, m'influencent quand même, tu vois, parce que je regarde un peu ce qu'ils font, et puis c'est la créativité que j'essaie un peu de m'inspirer, bah, même si c'est pas forcément dans le même domaine, mais ça reste la créativité pareil, tu vois, comme, tu sais, Loza Maléombo, tu vois, qui fait des bijoux et tout dans le domaine artistique, ou encore Zaza BCBG. Ça, c'est genre, c'est une page, en fait, que j'ai découvert sur Instagram. Il fait un peu comme, tu sais, des vêtements, mais c'est des vêtements, en fait, qui avaient un style un peu révolutionnaire, en fait, au temps du Zaïre, quand on appelait le Congo Kinshasa Zaïre. Okay. Donc, ça date un peu aux indépendances et tout. Et puis, donc, lui, Zaza, en fait, son style, c'est vraiment dedans. Et moi, j'ai vu l'Instagram comme un peu par hasard, en fait. Et en fait, moi, j'ai juste kiffé, en fait. J'ai juste kiffé comment c'était fait. Donc, depuis un moment, je le suis, je regarde un peu ce qu'il fait. Ou encore Toxa. Toxa, c'est un rappeur, en fait, burkinabé. Donc, on l'a déjà joué ici. Voilà, on a déjà joué ces chansons, en fait, Toxa. Et puis, moi, en fait, franchement, aussi, c'est une personne, en fait, qui m'a inspiré, même si je fais pas du rap et tout. Mais en fait, son style de rap, tu vois, parce que c'était vraiment la première fois que j'entendais rapper comme ça avec son premier titre, en fait, ça s'appelait On met dedans, en fait. Okay. Et moi, j'ai vraiment adoré le style, en fait, ce style de rap et tout. C'est vraiment différent. Ah ouais. À vrai dire, c'est vraiment le premier rappeur burkinabé que j'écoutais, en fait, de la nouvelle vague. Parce qu'après, bon, avant, il y avait des rappeurs, mais plus le temps avançait, après, je me suis plus trop intéressé au rap burkinabé et tout. Mais lui, vraiment, il m'a donné comme envie de réécouter ça, tu vois. Il aimait pas ça tant que ça, mais là, il aime ça tant que ça. Bad boobs. En tout cas. Man, je ne m'en plains. En tout cas, donc ça, c'est passé par contre. Et donc voilà, il y avait Toxa, il y a aussi... Il y a aussi Tam. Voilà, Tam c'est une vlogueuse, en fait. Tam, c'est une vlogueuse congolaise qui, en ce moment, moi je regarde beaucoup ses vidéos. Donc elle s'appelle Tam Vlog. Et elle aussi, elle m'a inspiré, tu vois, dans le sens où c'est un peu grâce à elle que j'ai acheté cette caméra. Ah, tu vois. C'est cool, ça, ouais. Donc, il y a une caméra quand même assez sophistiquée pour filmer Voix d'Afrique, je dois vous dire, avec un joli petit gimbal qui me rend jaloux et qui stabilise l'image, c'est donc magnifique. Donc, en fait, c'est parce que Tam, elle l'avait, en fait, cette caméra. Ouais. Bon, en fait, je l'avais déjà vue avant, mais en fait, quand j'ai regardé ses vidéos, puis je me suis vraiment demandé, mais ça avait quoi qu'elle filmait, c'est ça. C'est trop beau, hein. Tu vois, je me suis dit, parce que déjà, le mouvement, c'était trop stable, je me posais des questions un peu. Ça fait rêver. Et après, une fois, j'ai vu dans sa vidéo qu'elle avait avait une caméra en fait de, je sais pas, c'est pas si c'est exactement la même, mais j'ai vu qu'il avait une caméra à peu près comme ça, donc du coup c'est pas écrit pour lui demander. Ça m'a, ben en fait j'ai pas plus écrit que ça, mais j'ai fait des recherches sur la caméra parce que je l'avais déjà vu avant, mais là je me suis dit ben là je pense que peut-être je devrais l'acheter. Ça être... Les vlogueurs aiment bien gros ça de parler d'eux-mêmes, hein, fait que si t'avais demandé dans leurs commentaires genre c'est quoi ta caméra, elle aurait fait une capsule d'une demi-heure sur sa caméra parce que c'est le même qui font ça les vlogs. Mais je suis curieux, est-ce que c'est la DJI que t'as ou moi, c'est-tu DJI? C'est, ouais, c'est ça, c'est ouais, une DJI. Ah. Donc, on connaît ça. C'est les meilleurs. Ouais. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Donc, un merci à Tam, en fait, ouais. qui m'a inspiré là-dessus. Tant mieux. Donc, OK, bon, là, voilà, là, en tout cas. Ça finit-tu, cette histoire-là? Ça finit plus avec ça. Et puis, donc, du coup, c'est l'article qui traite un peu de ça, dans l'œil du masque, un article de... qui est pas un mini article en fait, tu vois, genre... un long article, non. Je pense même en une page c'est réglé quoi, okay. Donc intro développement conclusion et tout, et puis c'est juste pour permettre aux personnes de lire déjà pour voir si le style est bon, tu vois, je vois, et puis on va commencer à en écrire plus souvent j'imagine après. Ben ouais, c'est sûr en fait, dépendamment de comment les personnes elles vont trouver ça et tout, donc c'est sûr que genre je vais peut-être écrire un peu plus après. Et puis, dépendamment de leurs encouragements aussi, tu c'est vois. C'est ça. Donc, faut être motivé dans le voilà, vie. Faut être motivé. Donc, si les gars me disent que c'était plate ou il y avait trop de fautes. Peut-être quelque chose de plus constructif, tu sais. C'est ça. Ouais, je m'attends plus à ça, tu vois. Mais si on me dit arrête l'écriture, ouais. je pense que je vais comprendre aussi. Fait que. Hey, ils sont-tu mieux, ils en écrivent-tu des articles, ça? En tout cas. Donc, c'était ça, et puis parler aussi un mot de musique. Oui, en fait. Musique pour terminer. Voilà, c'est ça pour les artistes sur lesquels on va terminer. Donc, on va déjà. Là, on va mettre deux chansons. Deux chansons pour la première fois. On va mettre deux chansons pour la première fois. D'habitude, on en a une seule. Ouais. Donc, la première chanson, c'est un rappeur ivoirien qui s'appelle Juni. Mm-hmm. Donc moi je l'ai connu en fait, je m'en sur les réseaux sociaux et puis voilà, j'ai bien aimé en fait sa chanson et tout, genre son clip, tout ça. Donc ça c'est pour les personnes de Babi 225 en fait. Babi 225 c'est le compte de la Côte d'Ivoire. OK. Donc c'est comme leur Snapchat communautaire, ouais. Et c'est les Ivoiriens qui sont dessus en fait. Donc du coup c'est comme un shout-out, un petit clin d'œil à eux en fait. Donc on va écouter ça, Juni. C'est quand ils sont pour la première chanson. Mm-hmm. Et ensuite, pour terminer, on va écouter Titi Lux. Titi Lux, ouais. En fait. T-I-T-Y, hein. T-I-T-Y, en fait. La chanson s'appelle Jaloux. Moi, en fait, c'est de la faux trap. Et moi, personnellement, la première fois que j'ai écouté le titre, j'ai vraiment adoré en fait. Ah oui. J'ai vraiment adoré le style déjà. Et puis parce que bon, de l'afro-trap congolais, j'avais en fait d'artistes congolais, j'avais vraiment pas peut-être écouté auparavant en fait. Et puis c'est vraiment avec Titi Lux que j'ai écouté ça en fait. Donc sa chanson s'appelle Jaloux. Donc c'est un peu un beat afro-trap qui parle un peu, ben, comme le titre l'indique, de jalousie. Ben oui. Et puis bon, ça peut pas parler d'autre chose. Hein. Ça parle pas de Titi. C'est ça. Donc en tout cas, on va écouter ça, Titi Lux aussi, Jaloux. Je sais pas si elle regarde les stars en ce moment, en tout cas, peut-être. On la salue et on te remercie aussi, toi, Dominique Nadmavungu, d'avoir participé à l'émission depuis les dernières années. C'est bien plaisant. Non, c'est ça. Et puis voilà, c'est la dernière de la saison. C'est ça. Et puis voilà, donc on a tenu à avoir nos milliers de guests. Salut, pour qu'ils puissent participer à ça. Donc on avait une guest en tant que telle qui devait venir, mais elle n'a pas pu venir. Donc du coup, on l'a remplacée par tous les par guests. Par une caméra DGI. Et par tous les guests en tout cas. Donc ouais. Voilà, c'était on termine Voix d'Afrique dessus pour la saison. Et puis Julie avec C'est quoi Nilsson. Et puis on se retrouve une prochaine fois, un jour peut-être. C'est ça, un jour peut-être. Notre Mavung Voix d'Afrique. Desco on the beat, big big future, Nabil Palo, Kinga Dreouzi, Demona Hassan Malik. C'est quoi ils sont, dans le cœur ils sont forts, mais ils vont pas les mal. Quand leur foi devient grand, on dirait qu'ils ont mal. C'est quoi ils sont, faut t'asseoir au quartier dans galère avec eux. Le jour tu gagnes barra, on dit t'as tué deux. C'est quoi ils sont, c'est quoi ils sont. C'est quoi ils sont, c'est quoi ils sont. C'est quoi ils sont, c'est quoi ils sont. C'est quoi ils sont, c'est quoi ils sont. Malgré ton succès, si t'es toujours puceau, est-ce qu'on peut dire que tu as percé? Voilà quand je souffrais ici, on disait dans sa famille, elle est sorcière. Regarde, j'évolue, maintenant j'entends sur le côté, il fait amour, c'est un sorcier. Oui, oui, c'est ma grand-mère qui m'a donné, qui était devant moi et avancé. T'as tout le temps, au lieu de bosser, tu as couché dans le lit, tu apprendras. Ici, c'est toi la femme, de quel droit tu me dis que je dors? Voilà une go, ça fait un temps, elle travaille comme secrétaire. Elle fait son job bien, chez c'est les barres en commentaire. Le patron trop fier d'elle décide d'augmenter son salaire. Voilà les collègues, pourquoi payer ses femmes quoi? Ou bien ils cachent quoi? Oh, c'est sa maîtresse quoi? Ça c'est les idées sauvages. Arrêtez ça, c'est pas sûr. Tu réussis, le cœur est chaud comme un manchot qui a envie de frapper à Oko. Dans la vie, fixe-toi des buts. Là comme ça, tu peux pas taper poteau. Vous avez beaucoup à dire, moi j'ai beaucoup à faire. Le jour où j'aurai mon jet, vous aurez votre tabouret. C'est bon, ils sont dans le cœur, ils sont forts, mais ils vont pas les mal. Quand le foie devient grand, on dirait qu'ils ont mal. C'est quoi ils sont? Faut t'asseoir au quartier dans galère avec eux. Le jour tu gagnes barra, on dit t'as tué peu. C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? Pas la peine de t'en parler tant que tu sais que tu vas mettre le paquet. Les jaloux faut pas les écouter, ils ont toujours un truc pour te faire douter. C'est que tu n'importe quoi, essaye de comprendre ça. Le gars mâche sa go mignonne, on dit mais c'est quoi ça? Le type là n'est pas beau, vilain là la fille a lui voir quoi. Il a dû aller voir Marabout l'envoûter, pourquoi ça fond comme ça? Vérifier souvent ceux qui critiquent les gars, sont ceux qui ont tapé poteau sur le go. Tu es piqué même par l'argent de Gaba, c'est toi tu juges au quartier si y'a Gabo. Je suis le numéro 1, mais ils veulent que je sois sain. Ils disent pas la vérité, je suis sûr que c'est parce qu'ils viennent de moi. Quand femme à l'argent net, ils disent qu'elle j'ai busy. Et quand les gens te montrent leur jalousie, c'est que tu es en train de réussir. C'est quoi ils sont? Si tu es jeune et riche, ils vont dire tu es bouteux. Quand ils ouvrent leur bouche pour parler, je mets mes écouteurs. Toi tu fais des dits, ta bouche est sale. J'imagine l'odeur. Ma soeur faut pas leur confier ses secrets. Tu les connais bien ces gars là. C'est quoi ils sont? Dans le cœur ils sont forts, mais ils vont pas les mal. Quand leur foie devient grand, on dirait qu'ils ont mal. C'est quoi ils sont? Faut t'asseoir au quartier dans galère avec eux. Le jour tu gagnes barra, on dit t'as tué deux. C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? C'est quoi ils sont? Sauf au barra, certains diront tu fais rien, tu veux rien. Faut jamais le croire, c'est parce qu'ils essaient de te copier sans y arriver. Et puis dans ce que tu fais là, vas-y doucement, reste serré. Parce que dans la vie, si tu veux filer, c'est sûr que tu vas te piéger. Faut faire du bien, tu vas voir, ils parleront de ça un peu seulement. Mais le jeu, tu feras une seule heure, ils feront ta campagne proprement. Ils veulent pas te voir réussir, ils feront cher pour te voir maigri. Tu les prendras pour tes meilleurs amis, mais voici la même des pires ennemis. Mouche B. Que ça peut comme l'homme idée. Tu veux clasher, c'est pas une bonne idée. La bête nous connaît, nous a validé. Tu blablais, tu blabais, t'es un cadavre. T'as la rage, t'as la rage, t'es qu'une biatch. Biatch, biatch, ils m'ont tout négligé, j'ai tout vu de préjugé. Les jaloux sont là, me font avancer. Désolé, je ne veux pas renoncer. Ta part de Gucci et Louis Vuitton. Ça crée des vies et ça tout le temps. T'es un gros va, t'as pas d'argent. Je viens de Bac, j'ai de la classe. Toujours bien sapé et bien parfumé. Ma ville brasse à vie, chez nous on s'habille. Jaloux, pas si tu n'es pas capable. Chez nous c'est la sap, on frappe, on frappe. Ça fait pour de vrai, aucun commentaire. Sur le terrain, on est titulaire. Aujourd'hui. Assemblage anti pour toi. Aujourd'hui. L'assemblage Rocky en ce mardi 24 avril 2018. Mathieu Plante est mon nom. Tania Baudin a congé aujourd'hui pour la remplacer, comme toujours, depuis le début de l'émission. C'est Sébastien Viertin qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Hier, c'est David Ferron. Demain, Marc-Olivier Dumas va être avec nous pour co-animer. Maintenant, Jimmy Thibodeau s'en vient dans quelques minutes avec sa chronique Gauche, Herbe et Vue. Et toi et Sébastien sont ennemis politiques dans certains domaines, alors que vous êtes pourtant aussi proches l'un de l'autre côté politique. En fait, on n'est pas ennemis politiques. On est juste pas souvent du même bord dans nos débats sur notre groupe de philo UQTR. C'est pas exactement ce que je viens de dire, finalement, ennemi politique. Ben, on n'a pas vraiment parlé de politique exactement, donc c'est difficile à dire. On va peut-être le savoir aujourd'hui. Okay, en fait, c'est des débats du type qu'il y a probablement comme 20 personnes au Québec qui comprennent. Okay. Comprennent c'est quoi le débat, là. Ben, on a beaucoup de gens, j'imagine. De la politique. On a sûrement beaucoup de fans de politique et d'étudiants, même en politique, qui nous écoutent ce matin. Donc, un débat, mettons, qui vous a fait rager l'un l'autre récemment, mettons, juste quelque chose de clair à comprendre, à expliquer, mettons. Ben, en fait, ça fait longtemps. Moi, je suis plus vraiment là-dessus parce que le monde du bac me connaissent pas. Fait que j'ose plus commenter. Ton statut. Ouais, c'est ça. Je suis rendu l'arrière. Je suis plus la belle-mère, je suis l'arrière-grand-mère. Hein. Bon. Ah, j'ai quelque chose, moi, tiens. Ouais, vas-y. Le fait qu'à Londres, en fait, je suis dans le coin de Londres, en Angleterre, on est comme. Il y a même eu des pétitions, il y a eu un mouvement social vraiment fort pour faire en sorte que un chien qui avait tué une famille ne se fasse pas euthanasier. Okay. Puis vraiment, on voulait absolument comme lui trouver un refuge puis une famille qui voudrait l'adopter. Puis c'est vraiment un mouvement de masse. Puis moi, c'est correct si on est pour les droits des animaux puis on veut pas la peine de mort des animaux, ouais. C'est des affaires de même, là. Mais ce qui me frappe là-dedans, c'est que l'appui à la peine de mort dans le monde, en Europe, partout, c'est super fort. Mais pour un chien, c'est un mouvement social de masse. Sauvons le chien qui a tué une mère puis son enfant. C'est comme deux poids, deux mesures, pas mal. Ouais. Ben, ouais. C'est ça. On s'entend, les animaux domestiques occidentaux souvent vivent mieux que nos compatriotes, que certains de nos compatriotes. Là. Dans plusieurs cas, en effet. C'est un bon débat. C'est pour eux autres. Fait que tu vois, ça ne vous a pas nécessairement fait rager l'un l'autre parce qu'il a l'air d'être pas mal d'accord, finalement. Non, fait que dans le fond. Finalement, vous êtes vraiment des chums. Je disais ça tantôt, mais... c'est vraiment juste à cause d'Heidegger. C'est juste Heidegger. Heidegger! Je suis pas un de ses grands fans non plus, c'est ça le pire. C'est juste que moi, je m'en fous qu'il y a eu sa carte du parti nazi pendant 2 mois. Oh! Bon, voilà. Les, hey, non, mais déjà, les, la serviette, ben, pas la serviette, mais les gants sont. Les coups bas, là. C'est les, ça. Les gants sont jetés. C'est ça, c'est voilà. Ça. Si vous comprenez pas ce que c'est Heidegger, allez sur Wikipédia. Hein? C'est ça. Yeah. Heidegger, t'es qui là, pas le temps de niaiser. Ah! C'est bon, ça. Checker Heidegger et le nazisme aussi, c'est le fun. OK, OK. Alors, de quoi on parle dans Gauche sur Bibi dans quelques instants? On parle de l'étiquette progressisme parmi la gauche. Oh, intéressant. Mais pour l'instant, on écoute Hibou Hibou. Voici Accroche-toi et on revient tout de suite après avec Jimmy Thibodeau. Avec la pièce Accroche-toi, semblage requis. J'ai dit tantôt, Jimmy Thibodeau, qui est avec nous pour sa chronique Gauchère Bévue, accompagné de Sébastien F. Guertin en guest, comme dirait d'autres, en featuring, pour débattre un petit peu. Deux gars de gauche, en quand français. Même. En français. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Guest comme... feature. Ouais, c'est ça, non, tu sais, en artiste ouais, invité. C'est t'sais. Moi qui ai fait plein d'anglicismes sur ma. Ah, c'est bref. Pas grave, on se pardonne, on se pardonne. On se chamaille des fois, mais c'est avec amour, hein, n'est-ce pas? Ça se pourrait qu'il y ait toujours débat avec Gauchère Bévue. Ça se peut. Ça se pourrait. On va voir. Ouais. On va voir. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui déjà? Ben, je sais pas si ça va être très. Ben, j'imagine qu'il y a des bons points à débattre contre moi là, dans cette chronique-là. Je suis pas mal certain de ça. On va parler du progressisme à la gauche. Puis on va voir peser le pour et le contre de. C'est-tu bon que la gauche s'accapare cette étiquette de progressisme? Là. Ça, c'est le sujet général. Mais là, bon, je vais faire mon introduction déjà tout de suite. Ouais, c'est toujours bon de l'annoncer avant de faire une introduction. C'est ça, mais bon, c'est ça que je vais parler. Tu m'avertiras des changements de paragraphe aussi. Ah. C'est ça. Quoi contre les mots hein, pour ta correction du français. C'est ça. Ah, c'est ça. Nouvelle ancienne orthographe, tu sais. Mais bon, introduction. Okay. Voilà. Deux points. La gauche, ben, on sait que c'est pas juste la gauche en général. C'est aussi un paquet d'étiquettes qui des fois se rejoignent, des fois se rejoignent pas. Se rejoignent, bon, sur certaines affaires, l'égalitarisme par exemple, c'est évident. D'autres affaires qui sont où ça se contredit. Les exemples extrêmes, ce serait par exemple un communiste qui prône la dictature du prolétariat temporaire versus un anarchiste tout court, ou même des gens carrément socialistes, puis par socialiste j'entends plus dans la mouvance communiste, versus des gens qui sont social-démocrates puis qui sont complètement pour le capitalisme modéré à la John Maynard Keynes ou des choses comme ça. Donc vraiment dans la gauche, il y a plein de positions. On parle d'échelle, de nuances. Ouais, puis pour la discrimination positive dans des enjeux plus sociaux, ça aussi des controverses parmi la gauche, la non-mixité, plein d'affaires de même. C'est très controversé dans la gauche elle-même. Donc on pourrait quasiment dire que la division du spectre politique en gauche et en droite vaut pas de la chenoute. Ah, ouais, ben ça c'est une autre histoire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, oui. Non, mais 100%, je rejoins ça. Puis, mais bon, une des étiquettes qu'on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le progressisme. En fait, c'est une des étiquettes que la gauche revendique souvent. Mais bon, j'avais déjà parlé des étiquettes péjoratives dans une de mes anciennes chroniques. J'avais dit la gauche aime beaucoup les ismes, comme t'es raciste, t'es sexiste, etc. Au lieu de critiquer le comportement lui-même, mais ça permet, puis là, ça isole un petit peu la personne qui est critiquée des fois. Puis je pense que c'est une petite habitude de wisme assez... C'est souvent un sophisme, justement. Oh. Ah, tout à fait. Attaque personnelle, on se rejoint encore là-dessus. Enfin, finalement, le débat, il y en a peut-être pas tant que ça, on ne sait pas. Hein? C'est d'un bord, toutes ces affaires-là. Ben bon, donc j'avais déjà parlé des étiquettes péjoratives, mais maintenant, il y en aurait une qui serait trop améliorative pour la gauche? Est-ce que finalement, on s'accaparerait la vertu au niveau de la gauche? Je pense qu'avec le progressisme, on peut se poser des questions. C'est un terme qu'on utilise souvent, moi aussi, je l'utilise quand même régulièrement. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est sûr que c'est normal, tu sais, quand on est, on se considère progressiste, puis on croit vraiment qu'on est progressiste. Moi aussi, quand je suis de gauche, ben vu que je suis de gauche, je me crois comme progressiste en un sens, parce que je pense que c'est ma vision politique, ou en tout cas les visions politiques proches de la mienne qui emmènent vers un certain progrès. Donc, c'est sûr que c'est progressiste en un sens, mais j'ai tombé sur un article qui m'a fait parler de ce sujet aujourd'hui. Un article d'un certain... J'ai pas le nom sur la main, mais c'est un politologue, ouais, qui a écrit dans le New York Times. C'est un ancien conseiller d'un sénateur sénateur démocrate. Ouais. Puis... ben lui, il disait justement, ben le progrès, ben même les conservateurs ont une certaine idée du progrès. Puis c'est pas parce que t'es de gauche que c'est nécessaire pour le progrès. On n'est pas tous contre la vertu. Si t'es conservateur, tu penses que c'est en maintenant tes traditions que tu vas aller vers une société qui est meilleure, qui est plus juste, etc. Ou en revenant aux traditions. Même là, les conservateurs, en fait, généralement, c'est pas qu'ils sont contre le progrès en soi, mais c'est qu'ils sont anti-révolutionnaires, mettons, dans le sens que ils vont vouloir plus des... En anglais, ils ont un beau terme pour ça, incremental. Ils veulent des changements graduels et non pas tout en même temps. Du petit changement graduel, de l'ajustement sur ce qu'on a déjà. Au lieu de changer pour changer. Parce que ce qui est déjà là aurait un peu fait ses preuves, en fait. Ce qui est discutable, mais de l'autre côté, c'est vrai, ce qu'ils dénoncent quand même, c'est que souvent, la gauche qui se dit progressiste veut tout changer d'un coup et l'erreur... Dans le fond, ils vont faire des erreurs de type jeter le bébé avec l'eau du bain. Fait qu'eux autres, ils veulent éviter ça. Ben tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est ce que le chroniqueur dans l'article que je cite, il dit ça aussi. D'ailleurs, son nom, c'est Greg Weiner, en passant. Grégoire Plaignant. Ouais. Des fois, on peut dire Weiner, mais en États-Unis, on préfère le son de l'autre. Weiner, toujours, son nom. Ouais, c'est ça, ça serait comme un saucisse. Peu... Grégoire Saucisse? Wow. Et bon. Alors, on a fait plaisir à Mathieu. Oui. S'il y a quelque chose que j'aime dans la vie, c'est bien traduire les noms des gens en français tout le temps. C'est une passion que j'ai. Bref. Mais bon, c'est ça. Ce cher monsieur Greg, on va l'appeler comme ça, lui, il dit que, justement, le progressisme, c'est beaucoup plus que, penser que le gouvernement peut faire du bien. Aujourd'hui, c'est de plus en plus comme vraiment, effectivement, révolutionner une sorte de table rase, si on veut, dans la société. On élimine les sources du mal, si on veut. C'est un peu la vision du progressisme, de beaucoup de branches du progressisme aujourd'hui. Puis, dans le début de son texte, il y a un très, très bon point. Bon, sur le fait qu'il y a plusieurs visions du progressisme. Mais... dans le fond, quel progressisme exactement choisir? C'est pas très clair. Si on est de gauche puis on dit progressiste, on prend un peu de choses pour acquis, puis je pense qu'on a tendance à imposer un petit peu cette vision du bien, si on veut. Puis ça amène un peu cette problématique du manichéisme, un peu. On voit tout en noir et blanc. J'avais un petit peu donné cette critique-là de certaines mouvances de la gauche dans une autre chronique. Mais il semble se passer ça aussi avec des adjectifs comme progressiste. Mmh. Là, on est vraiment nécessairement... on est pour le bien commun, puis les autres, c'est des... ils veulent juste nous ramener en arrière. Puis c'est ça maintenant la trame narrative qu'on a aujourd'hui souvent. C'est assez malheureux. Il y a un fond de vérité des fois, mais c'est pas juste ça. Ouais, de gauche étant, je pense, tous les trois de gauche, on peut penser ça, mais tu sais, en même temps, dans un débat de société, dire ça à voix haute en public, je pense que c'est un peu problématique. Puis c'est pas ça qui va aider nécessairement nos débats politiques très hyper polarisés de plus en plus aujourd'hui. Vraiment, oui. Ben c'est ça. J'avais dit aussi que il y a pas longtemps que Donald Trump, son élection a été largement favorisé par le fait que les électeurs de Donald Trump étaient isolés. On s'attendait pas à ce que Hillary Clinton perde. Pourquoi? Parce que tous les électeurs de Donald Trump, ils étaient quand même assez marginalisés dans les médias et tout ça. Ils se tiennent ensemble dans le milieu du pays, puis les chaînes de télévision ou de radio en parlent pas autant que. Ben c'est ça. Oui, c'est sûr que Hillary Clinton a eu plus de votes au niveau national, mais quand même, on a complètement négligé la grande part de votes pour Donald Trump. Puis c'est la même chose pour... J'aurais eu le goût de parler de 2012, du printemps arabe, mais moi, je trouve qu'il y a eu des affaires du côté carré vert qui n'étaient pas trop, trop nettes. Mais il y a plein d'exemples comme ça dans la société où on a des débats super polarisés, puis l'autre, c'est nécessairement le mal. Puis on ne s'aidera pas nécessairement en disant que on est du côté des bons, puis les autres sont les méchants. Je pense qu'il faudrait arrêter ces affaires-là. C'est pas mal ça de ce côté-là. Polarisation de la politique, puis tu voulais chercher quelqu'un? Non, c'est Sébastien. En fait, Sébastien. C'est moi qui voulais dire de quoi? C'est que un des dangers de dire ça, c'est qu'en plus, c'est de dire, OK, eux autres sont progressistes, eux autres ne le sont pas, tu sais. Un bel exemple, en fait, de comment est-ce que c'est souvent plus compliqué que ça. Juste à regarder notre politique québécoise présentement, tu regardes le Parti libéral, c'est un meilleur exemple de... jusqu'à un certain point, c'est un parti qui est complètement schizophrénique, parce que sur les questions économiques extrêmement conservateurs, de la grosse droite économique lourde, mais sur les questions sociales, ça reste que c'est quand même, pour certaines choses, ils ont des politiques et des points de vue beaucoup plus proches de, étonnamment, Québec solidaire, on s'entend là, sur le point de vue économique, l'antithèse complètement du Parti libéral. Fait que tu peux être extrêmement conservateur dans tous les sens du terme que tu veux le dire, c'est-à-dire comme la définition que je disais, le conservatisme politique, là, c'est-à-dire les changements le plus simple possible, mais en fait, si on voit là encore, d'une certaine manière, sont beaucoup plus progressistes, sont beaucoup plus révolutionnaires, en fait, parce qu'ils font c'est pas des petits changements incrémentaux là, qu'ils font depuis leur dernier mandat, là, c'est des gros changements. Tu as trouvé le bon mot avec incrémentaux. Économique. Ouais. Incrémentaux, hein, je sais pas si ça se dit vraiment en français. C'est beau. Et je sais que Jimmy l'attend. Donc, je vais y aller de ma divulgation que Jimmy Thibodeau est représentant de Québec solidaire. Non! Il aime ça quand je dis ça. J'ai eu ma carte pendant longtemps. On me pardonne. That's it. Mais c'est ça. Puis de l'autre côté, ça reste que, regardez les lois, les lois non économiques, si on peut dire, que le gouvernement libéral ont faites. On regarde leur gestion de l'immigration, entre autres, leur gestion du fait du pluralisme. Mm-hmm. Ça ressemble beaucoup plus à un parti de gauche progressiste, plateau Mont-Royal, bobo montréalais, name it, là. Je veux dire, ils ont été plus... la fameuse loi 60, de laquelle j'ai finalement jamais parlé dans mes chroniques, sont beaucoup plus ouverts, en fait, dans cette loi-là que même la commission, les conclusions du rapport Bouchard-Taylor. Fait que, c'est un bel exemple, en fait, d'un parti que... Tu peux le détester sur bien des affaires quand t'es de gauche, mais t'es obligé de leur donner des gros bons points sur des affaires quand même. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle illustration de, effectivement, le terme progressiste en soi, il est problématique. Tu sais, à l'intérieur, ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur du même parti, tu peux l'avoir, cette polarisation-là. Ouais, tout à fait. 100% d'accord avec ça, encore une fois. Puis, c'est ça, il y a le problème de vision du progrès. gauche versus droite. T'sais, la droite peut aussi croire qu'il y a du progrès, puis des partis traditionnellement de droite, effectivement, peuvent être progressistes à certains égards, puis avoir bon, des visions assez surprenantes. Mais aussi, en même temps, dans la gauche elle-même, si tu reprends les exemples que j'ai dit tantôt, communistes qui prônent la dictature du prolétariat pour un instant, puis après on revient dans une société libre ou quelque chose comme ça. Puis là, versus social-démocrate qui dit, on veut un libre marché, mais contrôlé un peu avec une sorte de rééquilibrage par l'État. On ne me fera pas à croire que ces deux choses-là, c'est du progrès dans la même direction. Donc, c'est sûr qu'on s'appelle progressiste aussi dans la gauche, mais qu'est-ce qui est exactement progressiste? C'est vraiment difficile à savoir au final. Puis c'est pour ça que je m'interroge un peu sur cette tendance à transformer un petit peu le progrès en idéologie et dans la gauche. C'est pas vraiment quelque chose qui se fait à mon sens. Puis en société aussi, en général, quand on regarde... on est un peu héritier du mode de pensée un peu anglo-saxon. En justice, par exemple, on marche beaucoup sur les compromis, la négociation. Puis en société québécoise aussi, on est une société de consensus, la même chose. Puis je pense qu'il y a beaucoup de progrès dans la société qui se fait par des terrains d'entente, si on veut. Je pense qu'il faut arriver à une société où les gens ensemble sont contents de vivre dans la société dans laquelle ils vivent. Il ne faut pas trop imposer nos visions sur celles des autres. Ce qui fait que finalement, les gens qui ont une idéologie si de droite que ça, si tu te mets à dire, y a tort, puis il faut absolument comme les marginaliser ces gens-là, on se ramasse peut-être avec quelque chose de moins progressiste, quelque chose qui s'en va vraiment moins vers ce terrain d'entente-là qu'on cherche en société. Fait que je pense que pour ça, à ce niveau-là, c'est dangereux de parler autant de progressisme. Je dis pas nécessairement qu'on doit rejeter complètement l'étiquette, pas nécessairement, mais c'est ça que le chroniqueur disait dans sa chronique. Il disait, aux États-Unis, il y a le mot « liberal » qui est très utilisé pour dire « personne de gauche », mais ce terme-là a été très, très manipulé par les républicains, puis les gens ont préféré de plus en plus parler de progressisme aux États-Unis. Puis c'est ça que le chroniqueur dénonce, il dit « on devrait revenir au terme « liberal ». C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement un terme très, très proche de ça en français, donc c'est pour ça que je dis peut-être pas le rejeter complètement, mais bon... comme quoi, il faudrait peut-être penser à d'autres choses, puis peut-être faire attention à ce qu'on dit pour avoir des termes moins polarisants, puis pas nécessairement toujours prendre pour acquis qu'on a la vertu de notre côté. Je pense que c'est très, très mal partir un débat, même si tu penses que tu as raison par ailleurs. Mm-hmm. C'est vraiment pas pratique. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Le progressisme très subjectif. Ben oui, puis d'ailleurs, je me suis amusé pendant que tu parlais à aller chercher la définition du Larousse de progressisme. Uh-huh. Puis la troisième définition, qui est la seule vraiment qui présente le progressisme comme une idéologie, c'est doctrine de ceux qui croient au progrès moral de l'humanité. Fait qu'on s'entend, c'est très, très, très large. C'est vague, ben voilà. Tu sais, déjà, il y a plusieurs termes équivoques là-dedans, tu sais. J'embarquerai pas sur qu'est-ce que l'humanité, là, mais tu sais, juste progrès moral, c'est extrêmement subjectif, qu'est-ce qu'on va considérer comme un progrès moral. Puis, croit au progrès moral de l'humanité, même dans ce sens-là, c'est équivoque, parce que est-ce que ça veut dire qu'on croit qu'il faut travailler au progrès moral de l'humanité, ou est-ce qu'on croit que l'humanité progresse moralement en général? Ah ouais. Mm-hmm. Par elle-même ou par la force des choses. C'est ça. C'est déjà... effectivement, c'est comme la catégorisation gauche et droite, c'est un peu un terme de marbre. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut y aller avec des couleurs. Hein? C'est ça. C'est ça. On va revenir un petit peu au comportement en tant que tel. T'sais, c'est vraiment s'ancré dans... mais qu'est-ce que t'as fait de pas correct? Qu'est-ce qu'on pense qui est pas correct de ton côté? Qu'est-ce qu'on préférait? T'sais, vraiment revenir dans des débats d'idées plutôt que faire des clashs d'étiquettes tout le temps. C'est vraiment ça qui arrive. C'est tellement facile d'avoir un... Il faut mettre un mot pour pouvoir parler des choses. Sinon, faut tout le temps expliquer chaque affaire comme tu viens de le faire avec le Larousse. Parce que justement, si tu fais la différence entre la gauche et la droite, là encore, tu sais, généralement, on va... Premièrement, c'est extrêmement artificiel comme division, en fait, tant qu'à moi. Puis la raison, la grosse, le gros clivage entre les deux, c'est la notion de justice, en fait. Généralement, puis là encore, on parle en termes très généraux, parce que c'est vraiment, tu sais, je pense que je l'ai déjà dit dans une de mes chroniques, mais historiquement, pourquoi est-ce qu'on parle de gauche et de droite? C'est que à l'époque de la formation du premier Parlement français, les députés qui étaient pour plus d'intervention de l'État s'assoyaient à gauche de la table, puis ceux qui étaient contre plus d'intervention de l'État, qui étaient pour plus de laisser-aller, s'assoyaient à droite de la table, c'était simplement ça. Ouais. Mais une grille qu'on a récemment mis là-dessus au courant du 20e siècle, c'était de dire, OK, la gauche, c'est ceux qui sont pour la justice définie comme justice distribution. Justice distribution, mais justice. Mettons, répondre aux besoins. Mm-hmm. Ouais. Dans le sens, tout le monde a ses besoins répondus de manière équitable. Puis les gens de droite, c'était justice mérite. Ils recevaient en fonction de comment ils avaient travaillé pour. Donc, c'est très artificiel encore comme division, puis ça implique absolument rien par rapport aux progressistes. Ça peut, on peut avoir une société très, très juste, dans les deux sens du terme, qui est extrêmement de droite, extrêmement conservatrice, en fait. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Inventer des trucs mon crin de sel dans... Un peu comme c'était quel parti politique que le bleu c'était le ciel et le rouge c'était l'enfer? Là? Ah, ça c'était le Union National. C'est quand même intelligent. Parti Duplessis, ça. C'est quand même futé c'était quand même. C'était le parti de Duplessis qui était bleu. C'était le parti conservateur québécois en fait. Ah, parce que les couleurs ont changé un petit peu. Ben, c'était. C'est que là on parle de pendant la grande noirceur, là, c'était les libéraux à l'époque étaient le parti de gauche de Rennes. Ouais. Puis l'Union nationale, c'était le parti conservateur chrétien, d'ailleurs. C'était de la droite chrétienne catholique, même, à la base. C'est pas pour rien que le drapeau du Québec a été fait par Duplessis puis qu'il y a une grosse croix blanche en plein milieu, là. Oh, ouais, j'ai même pas remarqué, ça. Uh-huh. Ben, c'est ça, c'était lui qui disait, tu sais, lui, la couleur de son parti, c'était le bleu, tandis que les libéraux, ben, c'était rouge. Fait que, tu sais, rouge, l'enfer. C'est la couleur de l'enfer, bleu, c'est la couleur du ciel. Mm-hmm. Fait que, si vous êtes... Parce que le libéralisme, à la base, c'est les droits fondamentaux individuels. Mm-hmm. Fait que, c'était de libéraliser les relations humaines, donc vous êtes tous des petits souverains, contrairement à le point de vue plus conservateur qui est « Ah non, on a le ciel veille sur nous et le ciel est notre souverain. » C'était ça, là, c'était de la droite religieuse. Là. Ouais. Ouais. Hey, fait qu'il y a eu pas mal moins de débats, j'aurais pensé, entre Jimmy Thibodeau et Sébastien Picardin, mais un peu comme dans la sortie de Secouette à votre gauche, où c'était deux gars de gauche aussi, un peu comme Génie en liberté, où c'était deux personnes de droite souvent, on a tendance à se tenir avec les gens qui sont du même avec nous. S'il y a juste les stations de radio ou de télé, quand c'est eux qui décident, qui vont mettre deux personnes diamétralement opposées, nous, c'est du monde qui s'entend bien habituellement. Hein? Effectivement, c'est une tendance assez naturelle, ben oui. Difficile à échapper. C'est dangereux en plus parce que là, on s'entre-congratule. C'est consensuel. Le genre de discussion qu'on a eu aujourd'hui, en fait, ça nous ramène un peu à dire que, ouais, mais on est progressiste, mais on n'est peut-être pas d'accord sur c'est quoi le progrès. Ouais, t'sais. Ouais. Exactement. Okay. Ça me rappelle, tantôt, tu as parlé de plateau parce que ça me dit, OK, consensuel, tout le monde en parle, clairement, tu sais, l'émission, tout le monde en parle, c'est souvent consensuel. On va se dire qu'il y a le père. Hein. Puis là, ça me fait penser à plateau. Est-ce qu'il y a déjà eu une parodie de la politique montréalaise qui se passerait sur le plateau, mais une parodie de Star Wars, puis tu appellerais ça Platooine? Parce que c'est Tatooine, mais sur le plateau. Aïe, aïe, tu l'as cherché celle-là. Ça me vient, tu sais. Elle vient loin. Ça vient du ciel ou de l'enfer, dépendant de Duplessis. Ouais, c'est ça. C'est du rouge ou c'est bleu? On sait plus. C'est mauve! C'est mauve. C'est comme de la slush quand tu mélanges ça ensemble. C'est comme, c'est en mauve. Fait, je m'en allais dire, c'est comme le soude de Mario parce que t'as un t-shirt de Mario bon, aujourd'hui. Faut tout le temps faire référence à mes chandails à la radio, ouais. C'est fun. C'est fair. Tu as fait référence à mes étiquettes sur mon ordinateur une fois. Et ça rappelle aussi que dans le premier numéro de Nintendo Power, il avait mis Mario avec les couleurs inversées. Fait qu'il y avait le chapeau bleu, puis soude, puis tu sais, le contraire. Fait que tu vois, ça a changé les couleurs là-dedans aussi. Tu sais, ton chapeau est rouge, ça salopette est bleu, c'est ça? C'est ça. Il y a un message politique derrière. Il y a un message. Sa tête est rouge. Ben, je veux dire, Mario, c'est clairement un communiste qui combat le capitalisme. Là. Ça doit être ça. Il n'est pas pour le bien-être des animaux qui passent dans les tuyaux de plomberie, par contre. Ouais, mais tu sais, on a vu ça, le Parti communiste, c'est pas nécessairement les plus écologiques. Hein, on a vu ça avec les pancartes, c'est de récolter. OK. On s'emporte, comme d'habitude. Merci, Jimmy Thibodeau. Ben, merci à vous. C'était la chronique Gauchère Bien Vue. Merci pour ta contribution à l'émission. Ça m'a fait premièrement plaisir de te recevoir et de te gosser vraiment longtemps pour que tu reviennes. Tu as fini par revenir. Fait que c'est le fun. Ben, ça m'a fait grand plaisir. Jimmy Thibodeau. Voilà. On prend une pause. Au retour, on va parler d'art, d'une exposition qui s'appelle Icosagone. C'est du 25 avril au 6 mai. On en parle avec la stagiaire de la galerie R3, Julie Delefosse, dans quelques minutes à Assemblage Requis. Restez là. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Down in each her skull, she's an animal. And she won't ever love no boy. She treats you like a fucking toy. She'll break your heart and steal your joy like a criminal. Ooh, I wanna know I like you. I wanna know I like you. I wanna be a avec Solid State. Assemblage requis, c'est bon, ça, c'est bon. C'est plus sur le palmarès en ce moment, mais on l'aime quand même. C'est toujours l'assemblage requis avec Sébastien Vigartin qui remplace Tania ce matin. Salut! Salut! Et on a deux invités très spéciales pour parler de l'exposition qui s'en vient, en fait, à la Galerie d'art R3. Julie Delefosse, qui est stagiaire à la Galerie d'art, est avec nous comme pour une deuxième fois. Oui, c'est ça. Tu prends l'habitude? Oui. Et elle a invité Marie-Lou Bernier, qui va exposer lors de cet événement-là. C'est bien ça? Oui, bonjour. Ça. Bonjour. C'est pour parler de Icosagone, qui a lieu du 25 avril au 6 mai prochain. Et ça commence par un vernissage. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est Icosagone? Bien, Icosagone, c'est l'exposition un petit peu de nos projets BAC, dans le fond, de nos projets de fin d'études lors du BAC en arts plastiques et en nouveaux médias à l'UQTR. Et Icosagone, c'est le nom qu'on a donné à l'exposition et le vernissage est demain. Pourquoi Icosagone, c'est un prix à 20 arêtes. Et étant donné qu'on est 20 étudiants finissants... C'est fort! Voilà. T'aurais pu me dire aussi, c'est juste à cause Agone. Ben oui. Donc, ouais, il fait des jeux de mots comme ça. Faut pas que je les prenne par surprise demain. Non, c'est ça. Formidable. Donc, tu dis 20 jeunes étudiants qui finissent cette année leurs études, comme tu l'as dit, en arts visuels et en arts des nouveaux médias, mais est-ce que vous devez pas faire le même genre d'art, tout le monde là-dedans? Ça doit être 20 styles différents? Oui, tout à fait. Autant qu'on a des étudiants qui sont plus spécialisés en peinture, d'autres en estampes, en sculpture, autant du verre, du bois, des installations en métal, de l'art participatif, de la peinture. Ça va être vraiment varié, ça peut plaire à absolument tout le monde. Et est-ce que tout le monde travaille individuellement ou est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ensemble là-dedans? Pour ce projet-là, c'est tous des projets individuels parce que c'est un petit peu la synthèse de nos démarches à tous personnelles. Donc, c'est un petit peu l'acheminement personnel de où est-ce qu'on est rendu dans nos démarches artistiques. Et la tienne, ta démarche artistique, elle ressemble à quoi? C'est un peu difficile à décrire. C'est. Ben, je m'intéresse un petit peu à l'espace pictural, donc j'ai essayé d'emmener personnellement la peinture, l'emmener du 2D au 3D. Donc, je joue un petit peu avec les perceptions puis les couches de la peinture et ça va se retrouver dans une installation qui, le spectateur est emmené à pénétrer dans l'installation afin de découvrir l'espace pictural. Oh. Donc, ça semble abstrait en l'expliquant ici, mais ça vous donne l'occasion de venir voir pour comprendre. Et c'est complètement fait à la main, il n'y a pas d'informatique là-dedans. Non, c'est 3D, mais c'est du 3D dessiné. Oui, moi, c'est 3D à la main, comme vous dites, mais par contre, il y a aussi beaucoup de gens qui vont jouer avec les projections, avec un petit peu Par exemple, on a un ami aussi qui va faire une œuvre que le public va être invité à jouer avec des jouets afin de découvrir l'œuvre. Ça va être super trippant. Tu l'appelles un ami? Est-ce que vous appelez vos collègues des amis? On est tous des amis. C'est comme une grande famille. Les petits copains! J'ai entendu qu'il va y avoir du son, des sculptures, comme tu as dit, vraiment plein de choses. Donc, ça va être multisensoriel. Tu vas arriver là-bas, tu vas perdre la tête, c'est ça? Oui, exactement. C'est le but? Ben oui. De faire perdre la tête au monde. Il va y avoir, ça c'est Julie, je pense, va plus pouvoir répondre à ça. Oui. C'est un événement qui se déroule à plusieurs endroits, à plusieurs moments, n'est-ce pas? Alors effectivement, il y a 5 lieux. Il y a la Galerie d'art du Parc, l'atelier presse-papier, l'œil tactile, atelier Silex et Galerie R3. Mais pour faciliter le tout, par exemple, mercredi, il y a un départ d'une navette à 14h45 au pavillon Benjamin Sud de l'UQTR. Okay. Donc c'est sur le pavillon parking, des arts. Exactement. Et c'est pour faire le tour des vernissages qui ont lieu du coup mercredi. À 15h à la Galerie d'art du Parc, à 16h à l'atelier presse-papier, à 16h30 à l'œil tactile, 17h atelier Silex, et pour finir à 17h45 à la Galerie d'art R3 où vous retrouvez l'œuvre de Marie-Lou. Ok, donc chacun des endroits a son propre vernissage pour les choses qui sont diffusées là. Et tu disais qu'il y a un cocktail à 18h une fois revenu, c'est ça? C'est ça, effectivement, il y a un cocktail à la Galerie R3. Et ça, après ça va être exposé continuellement jusqu'au 6 mai? Est-ce que c'est à chacun des endroits, ça va être jusqu'au 6 mai partout? Oui, par contre, chaque lieu d'exposition a un petit peu un horaire différent, mais on vous invite à regarder l'événement Facebook de l'exposition définissant Icosagone. Sinon, vous allez probablement voir des petits flyers ou des publicités un petit peu partout sur le campus et dans... Donc, pour les renseignements, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la Galerie R3, vous retrouvez les informations citées par Marie-Lou. Voilà, et chacun des endroits a sa propre adresse. C'est principalement au centre-ville, sur des Ursulines, Saint-Antoine, Notre-Dame-Centre, Père Frédéric, Benjamin-Sult. Donc, Benjamin-Sult étant le pavillon à côté, là, oui. Et non pas une rue. T'as clairement juste lu le communiqué de presse. Je me suis surpris après. Donc voilà, on va faire le tour de ces endroits-là une fois rendu dans la navette. J'imagine que la navette vous amène d'un point à l'autre aussi, pas juste vous domper à la première place. Non, elle fait complètement le tour. Parfait. Donc le vernissage qui est demain. demain, mercredi 25 avril, et ça continue jusqu'au 6 mai à Icosagone. Merci Julie Delefosse. Merci de nous avoir invités. Stagiaire à la galerie d'art R3. Merci à Marie-Lou Bernier. Merci. D'avoir participé aussi. Elle qui expose parmi les 20 autres noms. Il y en a beaucoup, beaucoup de gens là-dedans. À Icosagone. Merci beaucoup à vous deux. Merci, bonne journée. Nous, on va continuer en musique quelques instants. L'émission se termine dans une vingtaine de minutes. Ça veut dire qu'on va avoir du temps tantôt pour se faire d'autres petites choses diverses. Mais avant ça, on écoute. C'était vague, hein? T'aimes-tu ça quand c'est vague à soi de même? Ah, c'est effrayant. C'est pas pire, hein? Ça ne joue pas du tout avec mes nerfs de philosophe, ça. Non, c'est ça. Il y a envie de prise. Ça m'achale. On écoute Tout Bruce et voici The Light. À son blog. Cowboy used to be the one who let you down, let you down. I had no time for second chances, had no time to let you hang around, hang around. But I see the light come lay me down. Yes, I see. Par Etou Broussé, une de mes pièces préférées depuis les derniers mois, Assemblage requis. Toujours avec Sébastien Evgertin qui remplace Tania aujourd'hui. Et c'est le moment. Je tente de remplacer Tania. Tente. Alors, on va faire comme on a fait en début d'émission. J'ai dit depuis hier que je vide l'arrière-boutique de mes liens. Donc voici une dernière partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. On l'a où on s'achète des choses sur Internet et on regrette instantanément. Et on commence avec le Three-Tiered Drink Dispenser. C'est comme un distributeur de boissons, sauf que ça garde votre glace, vos breuvages et l'alcool séparés dans différents compartiments. Donc, il y a un bol en bas pour la glace, ce qui aide à garder la boisson qui est au-dessus froide sans la diluer. C'est un bol au milieu qui est pour avoir votre breuvage de choix habituel. Et ensuite, un bouchon en haut qui est fait pour verser de l'alcool pour faire un petit spike dans tes drinks. Donc, tu vas te prendre prendre de la glace dans le compartiment du bas. Tu vas, avec le petit nozzle, le genre de robinet, te verser de l'alcool. Et ensuite, tu vas déboucher le bouchon de liège et simplement verser le contenant d'alcool. Donc, imagine-toi une genre de... un réceptacle style un pot de biscuits, si on veut. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Là. Ouais. De un, le froid descend. Ta glace, faut que tu la mettes sur le top. Ah, ouais, garder le reste froid. Okay. Deuxièmement, je ne sais pas si les trucs peuvent se tasser, mais sur toutes les photos que j'ai trouvées de ce truc-là, les robinets sont tous vis-à-vis, puis tu n'as pas la place de mettre un verre entre les deux. C'est vraiment mauvais, sérieusement. Ouais, ça n'a pas l'air. D'après moi, tu peux les tourner, là, mais. Probablement, j'imagine. Mais ouais, je sais pas. Puis en plus, est-ce que les choses sont bien étanches pour que tu puisses verser l'alcool qui est dans le compartiment du dessus sans que les deux du milieu c'est se dépassent? J'ai l'impression sais pas. Que... C'est fait de cristal sans plomb, soufflé à la main. On peut tenir 135 onces de liquide et les compartiments se défont en morceaux pour pouvoir les laver et les entreposer. Ça pourrait faire genre de la limonade avec de l'alcool dans le top et de la glace en dessous. Ils ont plusieurs formats en plus, puis ça a l'air modulaire. Fait que d'après moi, on me confirme que tu peux les placer comme tu veux. Là. On me touche à l'oreille. Sur la... Ben là, c'est parce que je continue de checker des photos, en fait. On le voit, en fait, là, y a une photo d'Amazon, entre autres, là, qui le montre que tu peux tout défaire. Là. Au moins. Il vend chez William Sonoma aussi. Ah! Tantôt, on a fait des plugs pour Renaud Bré, on peut bien continuer. Ouais, c'est ça. Ensuite, quand tu fais du yoga, Sébastien, j'imagine que tu fais du yoga tout le temps. Je suis flexible comme un chat noir. Comme un chat noir, rien de moins. C'est la première affaire qui me venait. Et une fois que t'as fait ta session de yoga, t'es rendu complètement épuisé, t'as pas envie de rouler ton tapis toi-même. Effectivement. Donc, tu peux t'acheter ton self-rolling yoga mat. Un tapis de yoga qui se roule tout seul. Hein? Arrêtez d'être pris par l'effort. Hein? Contrairement au tapis traditionnel, c'est un modèle qui a des élastiques inclus qui s'assure que le tapis va rester à plat lorsqu'il est en utilisation et va automatiquement se rouler une fois que tu as terminé. Tout ça pour 115$ canadiens. Ça, je trouve que c'est vraiment l'équivalent du monde qui s'en va s'entraîner puis qui prennent l'ascenseur. Hey, tellement, hein? J'avoue. Mais quand même, en le regardant faire, ça... Ça a l'air d'avoir du sens une fois qu'il se roule après l'entraînement. Attention, ça va rouler. L'avantage que je vois, par contre, c'est qu'il se roule vraiment droit. Oui, exactement. Tout le temps de la même façon. Puis il va tenir comme ça. T'auras pas à te mettre une strap dessus. Ouais. C'est ça le mot du problème avec les tapis de yoga. C'est que peu importe à quel point ils sont antidérapants, quand tu le roules, il va pas tenir roulé comme ça. C'est exactement ça. Et tu pourrais faire aussi, j'imagine, des tours de magie. Un peu comme enlever une nappe en dessous de la vaisselle. Ben, tu vas pouvoir comme mettre de la vaisselle après que le tapis se soit... Rouler, je sais pas ce que tu pourrais faire. Je sais pas. J'essayais de mettre ça magique, mais ça marche pas. Quand tu vas au cinéma, est-ce que t'as de la misère à gérer tes voisins à côté? T'sais, ils prennent tout le temps la cotoire. En fait, j'ai réglé le problème. Je vais plus au cinéma parce que je suis plus capable d'endurer les gens déplaisants qui savent pas vivre dans les cinémas. Ça sent mauvais. Les gens parlent tout le temps, arrivent en retard, échappent de la nourriture à terre, tes pieds qui collent partout. Je vois pas davantage. La bouffe est chère. Le prix est cher en général. Ça, c'est un problème qu'on a à Trois-Rivières. En plus, les systèmes de son valent pas de la chenoute. Ils sont faits pour être forts, ils sont pas faits pour bien sonner. Les sièges sont pas confortables. Je sors tout le temps qu'un mal de tête de là à cause du mélange d'air vicié et de systèmes de son trop forts, mal calibrés. Ouais. Vraiment, je pense qu'on a listé pas mal la plupart des désavantages majeurs. Mais si jamais tu voulais y aller, tu pourrais te procurer cette couverture Fleece Blanket. Ça s'appelle le Movie Blankie, B-L-A-N-K-I-E. En fait, c'est une couverture qui est faite pour les sièges de cinéma. Et non seulement ça va vous garder au chaud pendant votre film, mais en plus, ça va mettre une barrière protectrice entre vous et les autres à côté. Donc, vous allez simplement passer ça par-dessus le siège du cinéma, passer votre tête par le trou, et retirez ça par-dessus vous. C'est fait à la main à Détroit, dans le Michigan. Et puis, ça vient dans une variété de couleurs. Parfait pour amener ça dans votre sacoche pour ceux qui veulent s'aventurer à l'extérieur de leur maison pour voir un film. Ça a un gros défaut, par contre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air extrêmement chaud. Et boy, tu dis, hein? Quelqu'un qui a chaud naturellement, comme moi. Là. C'est ça, dans un cinéma, c'est tout un ou tout l'autre. Il y a des cinémas qui vont être trop violents sur l'air clim pour éviter les mauvaises odeurs, puis il y en a qui vont être cheap là-dessus. Et aussi, veux-tu bien me dire quel cinéma ils ont utilisé pour avoir des lazy boys à chaque siège, eux autres? Vraiment, hein? Pour les photos, sérieusement. Là. J'en veux un cinéma de même, moi, au Québec. Hein? Il y en a sûrement. Là. Je les connais pas. Cinéma VIP ou quartier du Strand. Ah ouais, bon. Je sais pas, je suis jamais allé, mais apparemment que les sièges sont très confortables. Hey, justement, parlant d'accotoir, accoudoir, j'ai toujours de la difficulté à trouver le mot dans ma tête. En tout cas, la place où t'as accoudoir. Accoudoir. Quand tu vas en avion, par exemple, ou au cinéma, t'as de la difficulté parce qu'il y a juste un accoudoir entre les deux sièges. Et là, qui a droit à celui de gauche et de droite, dépendant si t'es gaucher ou droitier, c'est pas le fun. Donc, voici le sorigami. C'est un jeu de mots entre sore, comme s'envoler, et origami. Donc, ça me fait déjà triper. C'est un peu comme un avion de papier. sauf que c'est pas en papier puis c'est pas un avion, on se comprend. Alors c'est un diviseur d'accoudoir, un extender, une extension si on veut, qui va permettre aux personnes à gauche et à droite d'avoir une place de plus. Donc c'est comme un genre de, imaginez-vous un avion en papier, le milieu est un séparateur et les deux côtés sont des ailes et ça vient se poser sur l'accoudoir en tant que tel. Donc t'as comme une place de plus pour t'accoter dessus sans avoir à toucher au voisin parce que tu touches au mur du milieu du morceau de plastique, sorigami. Fort, hein? Puis c'est comme un gros carton, puis un petit look, là. Ça a l'air à une enveloppe d'expédition. C'est ça, en plus, c'est super beau. Une enveloppe d'expédition, là. De poste britannique, ou je sais pas quoi, là. Ouais. Et tu peux le. En fait, ça vient comme se clipper après le milieu, après l'accoudoir, donc ça va même pas bouger. Ça peut extensionner entre 1,5 et 2,75 pouces de large, et ça donne le double de la surface. En plus, c'est beau, comme t'as dit. C'est confortable, tout le monde aime ça. Sorry, Gummy! Mais je trouve le nom est fun pour le jeu de mots, mais en même temps, t'as l'impression d'être désolé de quelque chose, genre « sorry, Gummy ». Ouais, ça, au début, je pensais que ça s'écrivait comme ça quand tu l'as dit. Ouais, ça pourrait être un bon jeu de Google les trucs à mesure que t'es dit, en fait. Là, ouais, ben, j'aurais pu te dire au début de l'émission que la page de l'émission a déjà tous les liens dessus, mais tu sais, hein, comme ça, ce serait d'être un gars prévoyant, tu sais. C'est serait, ça. C'est pas le cas. C'est ça. Ensuite, on y va avec un tapis pour le bain, mais chauffant et sans fil. Hein? Pour l'hiver qui se termine, je vous dis ça en retard un peu, le Cordless Heated Bath Mat. C'est donc un tapis de bain avec trois paramètres de chaleur, 97 degrés Fahrenheit, 110 degrés Fahrenheit et 115 degrés Fahrenheit. Deux zones chauffantes, extinction automatique, surface de polyester et un dessous en caoutchouc antidérapant. Ça va rester au tiède ou au chaud pendant 5 heures. Et la batterie, donc, à l'intérieur peut être rechargée via un adaptateur AC. Évidemment, peut-être pas le brancher dans la salle de bain. C'est un tapis de bain à côté d'un bain avec de l'eau. J'espère que la petite prise pour le brancher à ferme hermétique, hein? Ouais, ben c'est ça, hein? Parce que c'est ça, hein? Des bons moyens de. C'est ça. Au moins, tu seras mort au chaud, hein? C'est ça. Tes pieds vont être confortables en sortant du bain, puis ça va être la dernière chose que tu vas penser avant de mourir. Mais je trouve bien beau ce petit tapis-là, puis je trouve qu'il a l'air le fun. Je me rappelle, mon deuxième loyer à vie avait une lumière chauffante, un peu comme un poulailler. Quand tu sortais du bain, tu pouvais allumer la lumière, genre, c'était chaud, chaud, chaud. Ouais, ben, ou c'est un plancher radiant. Oui, un plancher radiant. Bref, si vous avez pas ça, un petit tapis, ça fait la job. Cordless Heated Bath Mat. On reste dans la salle de bain, tu sais, on revient à la paresse un peu. Juste un parallèle. Tu dis dans la salle de bain, mais moi, je vois une photo de quelqu'un se l'est mis carrément en dessous de ses pieds à son bureau. Ah oui. Quand t'as un bureau mal chauffé. Ouais, c'est ça. Ou même dans ta chambre quand tu lèves le matin. Hein. Ouais, moi, c'est même là que je le mettrais avant de le mettre dans le bain. Ah ouais. À côté du bain, je veux dire. Dans le bain, ouais. Bon plan. Bonne chance des avec bons ça. Plans, des bonnes idées. Là, ça va devenir cordless heated dead bat. Cordless dead guy. Wow. Ouais. Un dans chaque pièce, bon. Hein, c'est réglé pour tout le monde, ça. Un pour chaque pièce. Ensuite, continuons. On reste dans la salle de bain, comme je disais, par la bande, si vous êtes dans la salle de bain déjà. Allons-y avec un adaptateur. Tu sais, quand tu te sors de la crème à barbe de ta canne, ta canette de crème à barbe, et là, t'es obligé de te mettre ça dans la main, puis là, te mettre ça dans la face. Fait que là, t'as les mains sales, là, faut que tu te laves les mains pour prendre ton rasoir. C'est pas cool, tu sais. Genre. Ouais. Fait que c'est un adaptateur qui va venir te mettre un blaireau sur ta canne de spray de mousse de barbe. Wow, fait hein? Un blaireau. Un blaireau, tu sais, le petit truc avec des poils que tu te mets en face là, pour te raser, un blaireau. C'est ça un blaireau, non? Qui ou qui est. Bah, je sais pas. Ben, des poils de quelque chose, là, puis tu viens de mettre ta crème. Matcraire, Mathieu. Matcraire. Nouveau nom de showbiz, Matcraire. Bref, c'est pour améliorer votre routine de rasage en gardant vos mains complètement propres parce que ça va juste mettre la crème avec votre blaireau sur votre face. Hein? Mmh. Tout ça pour un petit combien? Moi, je veux pas en bas. Il y a tout le bouton « Contactez-nous » qui apparaît en papa. 30$ canadien. Bon. Et les maudits papas. On reste à la salle de bain, hein? Avec les Tata Towels. C'est des serviettes qui sont faites spécifiquement pour votre poitrine. Un peu comme tantôt dans la chronique de Dominique Notbabungu, on avait Titi Lux. Fait que si tu veux cacher tes Titi Lux, voici la serviette qui est faite pour ça. C'est une serviette. Oh mon Dieu. C'est fait un peu comme. Je sais même pas comment l'expliquer en fait. C'est comme un. Ben, ça a l'air d'un top de bikini, mais. Ouais. Et la serviette vient s'accrocher à tes seins. Ouais. Et ça fait le tour de ton cou pour avoir un certain soutien. Et c'est fait pour que tu puisses te relaxer, te faire, je sais pas. Te nettoyer, te faire des belles traces de bronzage bizarre. Ben c'est ça, à ne pas s'utiliser dehors. Hein. Ça coûte 45$ US. Ça a vraiment l'air de. C'est un top de bikini lousse en tissu de. Ben ouais. Je sais moi, pas. Je me sens mal, j'ai l'impression de checker des. des photos louches sur ouais, Internet. C'est ça, ben c'est, ouais, c'est ça. Ouais. Ton historique sur ton portable va maintenant voir voilà. que t'as vu des titis dans tes tatas. Ouais, c'est ça. Towels. Voilà. 45$ US, différentes couleurs, différents patterns, et c'est pas mal ça. Ensuite. Il n'y a pas l'air d'avoir différentes tailles par contre. Hein. Non, j'ai pas vu des pas tailles. Pas mal non. du C, puis c'est ouais. fini là. C'est ça qui est ça. En tout cas, ils ont peut-être choisi leur. J'imagine qu'ils ont choisi leur modèle en même temps. Mais... Sûrement. C'est one size fits most. Ouais. on va rester dans les titis tatas avec. Le Bubble Wrap Lingerie, c'est de la lingerie fine. Ok, ça je le cherche même pas. Non, avec des bulles à péter, c'est pas magnifique ça. Un design risqué pour vos petites parties de l'anatomie, voilà. Et une fois qu'on pop, on ne peut pas arrêter. Dans la même catégorie que les sous-vêtements comestibles. Exactement. Mais ce coup-là, c'est pour les obsessionnels compulsifs au lieu d'être pour les mangeurs compulsifs. Hey, t'imagines s'il fallait que je pète chaque pétage, chaque bulle, ça prend... Moi, je trouve que c'est le genre d'affaire que je verrais ça dans une sitcom, elle a un gars, une fille, mettons. Ouais. La fille achète ça pour être comme wouhou. Puis là, le gars finalement obsède tellement à péter les boutons que la fille est comme pourquoi j'ai acheté ça. Ah, ça serait un bon épisode quand même. Ça fait cadeau de blague pour un shower. Ouais. Mais après ça, t'obsèdes là-dessus puis tu commences à vraiment vouloir les péter. Vraiment, genre. Ensuite, on a une toilette qui se nettoie elle-même. Hein, pour pouvoir laisser tomber votre brosse à toilette. Hein? Donc, c'est un design de toilette par American Standard avec des cartouches Lysol Fresh Infuser. Wow, c'est beaucoup de mots quand même. T'as le design Clean Curve qui va éliminer les saletés dans les surfaces difficiles à rejoindre avec des produits nettoyants, hein, là où la saleté se cache. La surface Ever Clean qui est super douce et facile à nettoyer même après des années d'utilisation. Une surface antimicrobienne qui va empêcher la propagation des bactéries qui causent de l'odeur. Et ça va maximiser l'eau utilisée dans chaque flush avec 1,75 de valve de flush. Je sais même pas c'est quoi les termes techniques. Ça, d'ailleurs, je trouve ça impardonnable qu'en 2018, ça soit pas encore plus répandu que ça, des la toilettes base, hein. économisatrices d'eau. Tellement c'est effrayant. Ouais. Donc, la toilette Vormax Plus, c'est son nom, qui adopte tous les standards de Lady A aux États-Unis et qui entre dans n'importe quel espace de 12 pouces de large. Ça vient avec un siège Quick Release, donc qui s'ouvre facilement et qui va se fermer tranquillement. Et ça vient avec deux cartouches Lysol Fresh Infuser. Ça ne dit pas combien de temps ça dure, mais quand même, tout ça pour 300$ US chez Home Depot aux États-Unis. Et un petit dernier. Juste vas-y. Pour finir, là, la fameuse toilette, là. Ouais. Tu sais, ça a pas l'air d'une affaire de science-fiction. Si tu regardes, ça a l'air d'une toilette bien ordinaire. Blanche, là. Parce qu'il y a même dans plusieurs looks, en fait. Ah oui? Oui, il y a une... En tout cas, je pense. Oui. Et la petite cartouche va à l'arrière du couvercle, donc les gens vont pas te demander automatiquement où, c'est quoi cette toilette-là, tu sais. Des fois, quand t'as des gadgets spéciaux comme un bidet, mettons, les gens vont te juger. Mm. Ou les gens vont penser que c'est un urinoir. Hein. Exactement. Et comme j'ai vécu dans un voyage d'école avec un ami qui ne savait pas c'était quoi un bidet. Qui pensait qu'il y avait un urinoir dans la toilette. Et crime, la connaissance gêne. Wow. On a eu l'air à des gros Américains épais, cette fois-là. Et je voulais terminer avec tu sais, pour ceux qui pensent juste à eux autres, un petit aspirateur pour le nombril. Hein? Bully Button Lint Vacuum Cleaner. C'est simplement un aspirateur qui est fait vraiment juste pour votre mousse de nombril. C'est tout ce qu'il y a à dire. Là-dedans, il s'accumule plein d'affaires. Ça doit tellement être déplaisant, j'en reviens pas. Je sais pas, juste me toucher l'intérieur du nombril, genre, puis j'ai comme un petit feeling que j'aime pas. Moi, je sais pas pour toi, mais quand je me l'accroche, ça me fait comme un frisson dans le scrotum. Ouais. C'est pas le fun. C'est pas plaisant. Je sais pas pourquoi ces deux morceaux-là sont reliés. Comment t'appelais ça, un frisson dans le scrotum? Ouais. Je pense que je viens de bypasser le titre d'épisode que j'avais déjà prévu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Great success. Et voilà. On se retrouve demain. Demain, mon co-animateur sera Marc-Olivier Dumas. Donc, on le retrouve là. Merci, Sébastien Guertin. Ben, je tiens à te dire merci pour toutes ces années. Parce que c'est toi qui m'as botté le derrière à faire de la radio il y a tant de temps que ça. Ouais. Puis je me suis découvert une passion, en fait. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. On a eu beaucoup de plaisir ensemble avec tes deux co-animatrices que tu as eues pendant cette période-là, autant Tania que Stéphanie. Puis, ben c'est ça, j'ai vraiment l'impression que je dis mes adieux à C'est fou, ce qui est quand même assez vrai. Moi, tu vois, je fais pas de revoir comme ça parce que justement, j'ai pas envie de me sentir triste. Ben, ça a pas été ma job pendant 14 ans. C'est moi, c'est ça. Pas pareil. Fait que je te dis juste merci et à la prochaine, Sébastien Guertin. Merci aussi aujourd'hui à Sébastien, à Dominique Nunbabungu et à Julie Thibaudeau. Merci à Julie Delefos et à sa collègue Marie-Lou Bernier d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain dès 7h. Bye bye! Bon café tout le monde!